s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 13. Se libérer de la fausse écologie mondialiste. Résistance et réappropriation. En cette époque d'effondrement des sociétés modernes, celles et ceux d'entre nous qui veulent contribuer à réduire les dommages ou vivre libre sans nuire aux autres, voire les deux, peuvent faire cause commune. Cela implique notamment de partager nos points de vue sur notre situation inextricable ainsi que nos idées sur la manière d'y répondre positivement, dont certaines ont été présentées au précédent chapitre. Le tout dans un esprit d'entraide et de camaraderie. L'effort de constituer cette force de proposition, en soi, est déjà une entreprise majeure, étant donné la suppression et la diabolisation de nos perspectives. Mais notre cause commune englobe également des efforts d'opposition aux institutions dominantes qui ont aggravé la situation par le passé et continueront à le faire dans les mois et les années à venir. Ainsi, la proposition et l'opposition constituent deux aspects d'un programme écolibertaire pour la grande reconquête de notre pouvoir en cette ère d'effondrement. Ce n'est qu'en reconnaissant qu'il est important de s'engager sur ces deux aspects, sans exclure l'un ou l'autre, que nous serons plus nombreux et nombreuses à nous effondrer ensemble, et non séparément, à mesure que les choses s'aggravent autour de nous. Avant de conclure ce livre, j'ai choisi, dans ce dernier chapitre, de décrire comment les institutions publiques, privées et civiques du pouvoir en place, ainsi que leurs représentants, représentantes et leurs apologistes, aggravent déjà la situation dans les premières phases de l'effondrement sociétal en cours. Mon objectif est d'aider un plus grand nombre d'entre nous à ne pas appliquer leurs directives ni nous conformer à leurs objectifs. L'une des façons les plus évidentes par lesquelles ces personnes vont empirer les choses est qu'elles empêchent le grand public de prendre conscience de l'ampleur et de la nature de notre situation catastrophique à l'échelle mondiale. Chapitre 7. Cela leur permet de garder le contrôle et d'éviter qu'on leur demande des comptes. Cette approche, qui limite les réactions, rend possible une autre tendance aggravante, la promotion d'une série de mesures autoritaires contre-productives et qui vise à l'enrichissement personnel en réponse à diverses perturbations sociétales comme la pandémie de COVID-19 ou le changement climatique. Leur troisième influence néfaste consiste à préparer des stratégies de conflit préventifs afin de maintenir des forces armées dans un système mondial qui s'effondre. Une quatrième réponse inutile consiste à canaliser l'anxiété, l'insatisfaction et la confusion croissante de l'opinion publique vers des stratégies peu constructives qui servent les intérêts de certaines factions. La cinquième réponse que j'esquisserai ici commence à peine à émerger, mais elle se développera inévitablement dans les années à venir à mesure que l'effondrement actuel continuera à se propager. Il s'agit de déradicaliser les implications venues de la reconnaissance de notre situation inextricable parmi les professionnels qui s'occupent de cette question. Après avoir résumé ces réponses néfastes, je partagerai quelques idées de pistes de résistance constructives et d'autres permettant de promouvoir les réponses plus écolibertaires que j'ai décrites dans les deux chapitres précédents. Commençons par quelques réflexions sur certains aspects des mesures publiques prises durant la pandémie, qui mettent bien en évidence les dangers auxquels nous sommes confrontés de la part d'élites institutionnelles qui se sentent menacées et qui nous manipulent pour nous faire marcher au doigt et à l'œil. Cela a été une expérience douloureuse pour beaucoup d'entre nous, que ce soit parce que nous avons perdu des personnes qui nous sont chères, notre santé ou nos moyens de subsistance, ou parce que nous avons ressenti de l'anxiété face à l'hostilité qui entoure ce sujet. Mon point de vue sur ces mesures publiques a incité certaines personnes à me dénigrer, parce qu'il s'agissait de la première perturbation majeure due à des processus constitutifs de l'effondrement de la société, chapitre 4, qui ait affecté la vie des classes moyennes en Occident. Cependant, nous devons chercher à comprendre ce qui s'est passé depuis 2020. Voici donc ma perspective. les dirigeants et dirigeantes sont plus dangereux dangereuses que les animaux domestiques et que la plupart des virus. Lorsque le Covid s'est déclaré en Chine, certaines villes ont décidé de rassembler et de tuer tous les chats, craignant qu'ils ne soient porteurs du coronavirus. Les protestations qui ont suivi ont fait que cette politique a été abandonnée à plusieurs reprises, mais elle n'a cessé de ressurgir. Au début de l'année 2022, les autorités de la ville de Langfang ont ordonné l'abattage de tous les animaux de compagnie des personnes infectées par le Covid, avant que cette mesure ne soit abandonnée à la suite de protestations. Faisant écho à cette attitude à l'égard des animaux de compagnie, le journal Daily Express a publié en novembre 2022 un article sur le Royaume-Uni avec le titre suivant. L'horreur du Covid, plus de 350 000 chats possiblement infectés par un virus, entre guillemets, possiblement fatal. L'article en question portait sur des preuves d'infection non mortelle de chats par le Covid et mentionnait également que d'autres formes de coronavirus peuvent être mortelles pour les chats. Parmi les commentaires qu'il a suscités en réponse, on lit par exemple « Éliminer tous les chats ». Le même article a rapidement été publié dans d'autres journaux et sites web britanniques. Lorsque j'ai pris connaissance de cette nouvelle, j'ai pensé qu'il serait utile de revisiter un peu l'histoire que je me souvenais avoir abordée à l'école de ce que l'on a appelé la mort noire. Après tout, si les faits historiques riment entre eux de temps en temps, ces rimes pourraient nous renseigner sur notre psychisme et nos sociétés. La mort noire, ou peste noire, désigne un épisode grave de la peste bubonique, une maladie terrifiante qui a touché de nombreuses régions d'Afrique du Nord, d'Eurasie occidentale et d'Europe pendant des centaines d'années, à partir du XIVe siècle. Cette maladie tire son nom des bubons, qui étaient de larges tumeurs douloureuses apparaissant au niveau des ganglions lymphatiques des aisselles, de l'aine et du cou. Vous avez peut-être remarqué que je viens d'utiliser le passé. Je pensais effectivement que la maladie avait disparu. Mais une recherche rapide m'a permis de découvrir qu'elle existe encore aujourd'hui, bien qu'elle soit heureusement maîtrisée. Or, il y a quelques siècles, cette maladie était terrifiante. Il n'existait aucun traitement, la douleur était atroce et on mourait très rapidement. Lors de la dernière grande épidémie au Royaume-Uni, en 1665, les pestiférés avaient 30% de chances de mourir dans les 2 semaines qui suivaient leur infection. Environ un tiers des habitants et habitantes de Londres sont mortes cette année-là. Depuis la fin des années 1800, nous savons comment cette peste se transmet. Une puce se nourrit du sang d'un rongeur et, ce faisant, ingère la bactérie mortelle. Lorsque l'insecte passe à un autre hôte, qu'il s'agisse d'un rongeur ou d'un être humain, cette bactérie infecte alors le nouvel hôte. Cependant, au XVIIe siècle, la principale théorie sur la propagation de la maladie était qu'elle provenait de mauvaises odeurs, appelées miasmes. Bien entendu, les grandes villes comme Londres empestaient continuellement, de sorte que certains et certaines ne trouvaient pas très logique d'imputer l'épidémie aux mauvaises odeurs. Par ailleurs, on savait aussi que la maladie arrivait sur des bateaux en provenance de l'étranger qui n'étaient pas particulièrement malodorants. Néanmoins, la théorie des miasmes de la peste séduisait les détenteurs et détentrices du pouvoir. Ils et elles pouvaient utiliser des herbes et des fleurs qui sentaient bon et se laver davantage que les personnes plus pauvres. En outre, moins de gens vivaient entassés dans leurs habitations, et ces dernières se trouvaient à l'écart de lieux fortement peuplés. On y trouvait donc moins de déchets à l'origine de mauvaises odeurs. Le fait de croire que ces odeurs étaient la cause de la maladie leur a également permis de se dispenser d'empathie et de solidarité envers les personnes moins riches. Il était bien plus facile de blâmer les pauvres, considérés comme la source des infections. Un premier cas a été signalé en avril 1665 à Covent Garden et 2 autres la semaine suivante. La couronne ordonna que toute maison où se trouvait une personne atteinte de la peste soit mise sous verrou, afin que personne ne puisse y entrer ou en sortir pendant 40 jours. Un gardien était payé pour monter la garde à l'extérieur. Cela entraînait souvent la mort des autres habitants et habitantes de la maisonnée par négligence ou à cause de l'infection. De toute évidence, cela constituait une excellente incitation à dissimuler tout symptôme. Encore plus décourageant, dans certaines bourgades, on évacuait les personnes infectées vers des maisons de peste, situées à l'écart des autres habitations. Dans un premier temps, cette politique de confinement s'est heurtée à des résistances, et une manifestation organisée le 28 avril 1765 a forcé les autorités à libérer les habitants et habitantes de leurs maisons. Cet acte de protestation a été discuté au Parlement britannique. Selon les historiennes familières, historiens familiers, des documents de l'époque, il s'avère que les autorités se préoccupaient davantage de questions d'ordre public que de la situation sanitaire. C'est peut-être cet exemple de désobéissance civile qui les a incités à prendre de nouvelles mesures autoritaires. La corporation de la cité de Londres était alors aux commandes de la ville. S'appuyant sur la théorie selon laquelle les mauvaises odeurs étaient responsables de la propagation de la maladie, la corporation a ordonné l'abattage de tous les chiens et chats. Les autorités savaient, à l'évidence, que les chats et les chiens ont toujours eu l'odeur de chat et de chien, y compris pendant les périodes où la peste ne sévissait pas. Mais l'abattage forcé des animaux de compagnie montrerait que les autorités prenaient la maladie au sérieux. Après tout, on n'a rien sans rien. En tant qu'administration municipale, la corporation disposait de l'argent nécessaire à la mise en œuvre de sa politique, et elle offrait 2 pence par animal abattu. En 1772, Daniel Defoe estimait qu'environ 40 000 chiens et 200 000 chats avaient été tués à Londres. Vous avez peut-être déjà deviné à quel point cette mesure était contre-productive. En effet, les populations de rats ont explosé, et par conséquent, les puces qui se trouvaient sur les rongeurs et qui transmettaient la peste ont également proliféré. À l'époque, certains et certaines ont même témoigné de l'effet de cette mesure en consignant par écrit l'augmentation du nombre et de la vigueur des souris et des rats de cette période de peste, et ont supposé que c'était probablement le résultat de l'élimination des chats. En l'espace de quelques semaines, la chaleur de l'été ayant favorisé la propagation, le nombre de décès par semaine s'est élevé à plusieurs milliers. À ce stade, un tiers de la population de la ville avait déjà fui. Comme il n'y avait guère de travail, des activités comme creuser les tombes et faire appliquer les règles, par exemple en tant que gardien, sont souvent devenues des sources cruciales de revenus. Le confinement a été étendu à l'ensemble de la ville. Les habitants et habitantes ordinaires n'étaient pas autorisés à quitter la ville sans un certificat de bonne santé, document qui n'était fourni que par le Lord Mayor lui-même et qui était donc presque impossible à obtenir pour les pauvres. Étant donné que les riches considéraient les masses malodorantes comme la source de la maladie, ainsi que leurs animaux de compagnie, cette restriction de mouvement leur semblait parfaitement logique. De toute façon, ils et elles pouvaient trouver refuge dans leur demeure campagnarde. Le nombre de décès a atteint un sommet en septembre, lorsque 7165 londoniens et londoniennes sont décédés en une semaine. La situation aurait-elle pu être différente sans l'abattage des animaux? À Bristol, l'année suivante, la peste est arrivée et n'a tué que moins de 1% de la population. Il n'y a pas eu d'abattage d'animaux domestiques. Mais entre-temps, la souche de la maladie était peut-être devenue moins infectieuse ou moins virulente. Des études intéressantes pourraient être menées sur les politiques, les souches bactériennes et autres facteurs, afin de mieux comprendre pourquoi Londres a particulièrement souffert par rapport au reste du Royaume-Uni. Il se pourrait que, quelles que soient les mesures prises par le gouvernement de l'époque, ces dernières auraient échoué à faire diminuer le nombre de décès et n'auraient pu que le faire augmenter. Cette conclusion, les historiens et historiennes modernes, dont j'ai lu les travaux sur l'histoire de la peste, n'ont pas osé la formuler. Cela pourrait simplement refléter la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que de nombreuses sociologues décrivent comme managériale, c'est-à-dire caractérisée par une déférence à l'égard des hiérarchies et de la supervision. De la peste au Covid, quels aspects de l'histoire pourraient être en train de rimer aujourd'hui? Comme lors de la Grande Peste de Londres, les autorités de nombreux pays ont voulu donner l'image qu'elles faisaient quelque chose pour lutter contre le Covid. On en trouve même la trace dans leurs rapports internes. Selon ces derniers, si le port du masque devait être obligatoire, ce n'était pas du fait de preuves concluantes qu'on réduirait ainsi la propagation de la maladie, mais afin de signaler au public la gravité de la situation. Nombre d'entre nous connaissent également des personnes qui toussaient ou avaient de la fièvre, mais qui pensaient à tort que le port d'un masque protégerait les autres autour d'elles, et qui ont donc fréquenté des espaces publics. Comme pour la grande peste, la décision a été prise de nous imposer des mesures plutôt que d'œuvrer en concertation avec nous. Par exemple, les employeurs-employeuses et les travailleuses-travailleurs n'ont pas été soutenus de manière à ce qu'un travailleur, une travailleuse, puisse rester à la maison dès l'apparition des premiers symptômes, avec ou sans test, sans perdre son salaire, la confiance de ses collègues ou son emploi. S'il y avait moins d'inégalités, les autorités ne seraient pas aussi déconnectées de la classe ouvrière. Sans cette déconnexion, leur première préoccupation n'aurait-elle pas été de donner au personnel les moyens de faire des choix judicieux en matière de santé personnelle et de santé publique? Comme pour la grande peste, les autorités n'ont pas donné la priorité à l'aide aux personnes défavorisées, qui étaient peut-être les plus vulnérables à la maladie. Par exemple, le fait de renvoyer les personnes infectées depuis les hôpitaux vers des maisons de repos a entraîné une explosion du nombre de cas parmi les personnes les plus vulnérables de la société. Il est difficile d'accepter que cette mesure n'ait pas entraîné de poursuites pénales. En outre, on savait dès les premiers mois de la pandémie qu'aux États-Unis, les Noirs subissaient des conséquences relativement plus graves de l'infection. On savait également à l'époque que la vitamine D3 est importante pour le fonctionnement du système immunitaire et qu'une carence peut être observée chez les personnes à peau plus sombre vivant dans des environnements peu ensoleillés. Les données relatives à l'Afrique, où le Covid ne posait pas de tels problèmes à l'époque, ont permis d'étayer cette conclusion. Pourtant, aucun média grand public ni aucun gouvernement occidental n'ont fait quoi que ce soit pour sensibiliser à l'importance de la vitamine D3 ces communautés plus vulnérables ou pour les inciter à l'utiliser. Si les personnes blanches avaient été le groupe le plus touché, une telle négligence aurait-elle persisté? Aux États-Unis, les personnes noires mouraient deux fois plus nombreuses que celles ayant d'autres couleurs de peau. Pourtant, captivées par l'idéologie du complexe médico-industriel, les grands médias, connus pour leurs préoccupations en matière de justice raciale, ont totalement négligé ce fait, et la question de comment l'éviter. Si la vie des Noirs comptait, entre guillemets, pourquoi ne faisait-on pas du raffut pour réclamer de la vitamine D3? Cette phrase fait référence à Black Lives Matter, mouvement social et politique états-unien, qui a connu un essor considérable en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Comme pour la grande peste, de nombreux gouvernements ont choisi d'enfermer les gens dans de petites unités, parlant de « bulles » entre guillemets, et autres mots sympathiques, puis de les payer pour qu'ils et elles se conforment à la loi par le biais d'aides gouvernementales, les aides les plus importantes allant aux personnes aisées. Et ce, bien que la politique de mise en quarantaine des personnes en bonne santé n'ait jamais figuré dans aucun plan de préparation à une pandémie, et bien que les experts-expertes aient averti à l'époque que cette mesure porterait gravement atteinte à la santé publique et au bien-être à long terme. Comme lors de la grande peste, de nombreuses dirigeantes et nombreux dirigeants ont fait fi de leurs propres règles et se sont enfuis à la campagne. Dans certains pays comme l'Inde, les confinements ont été particulièrement préjudiciables, menant à d'énormes souffrances chez les travailleurs migrants et travailleuses migrantes et d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai été heureux d'apprendre que l'un des groupes d'adaptation radicale au sud de l'Inde s'était mobilisé pour les aider à Pondichéry. Des études ultérieures sur l'impact des confinements dans le monde entier ont également conclu à l'absence de bénéfices et à des dommages importants, donnant ainsi raison à la majorité des dirigeants et dirigeantes africains et africaines qui ont choisi de résister aux pressions internationales visant à leur faire mettre en place des mesures de confinement. Comme pour la grande peste, les réponses des autorités au cours des premières années du Covid ont engendré des souffrances supplémentaires sans avoir d'impact positif sur la maladie. De nombreuses personnes ont eu une expérience douloureuse des mesures politiques édictées par les institutions dominantes qui ont été au détriment de leurs moyens de subsistance, de leur vie sociale et de leur santé physique et mentale et les ont même empêchées de rendre visite à des proches en fin de vie. Se pourrait-il que cette douleur ait laissé entendre aux gens que, au moins, les autorités s'occupaient sérieusement, entre guillemets, de la crise sanitaire? De la même manière que l'abattage d'animaux domestiques bien aimés pendant la grande peste et le Covid en Chine a donné l'impression d'une action à la hauteur de la situation. Malheureusement, les effets des politiques publiques mal avisées en réponse au Covid se font encore sentir, en raison des dommages causés aux économies, aux finances publiques et au système monétaire, comme nous l'avons vu dans les chapitres 2 et 4. Les quelques 100 millions de personnes contraintes à la pauvreté induite par le Covid en 2021 et les 150 millions de personnes nouvellement sous-alimentées sont les victimes des politiques du Covid et non du virus. Et il est frappant de constater à quel point elles ont été ignorées par celles et ceux qui ont condamné les personnes critiquant ces politiques. Comme indiqué plus haut, la politique orthodoxe de confinement, de masques, de distanciation sociale et de vaccins n'a pas permis de réduire de manière significative la propagation du virus. Au moment où j'écris ces lignes, on ne cesse de découvrir de nouvelles conséquences de cet échec. Comme décrit au chapitre 4, les effets à long terme des réinfections de Covid ainsi que le Covid long peuvent être dévastateurs pour les individus comme pour les sociétés. Dans les années 1600, il n'y avait pas de vaccin. Les sages guérisseuses de l'époque encourageaient peut-être les laitières à contracter la variole bovine, cowpox, pour éviter d'attraper la variole, smallpox. Mais même si c'était le cas, nous n'aurions pas l'occasion d'en entendre parler aujourd'hui, car de telles traditions orales ont été brutalement opprimées par les chasses aux sorcières qui se poursuivaient alors. Au lieu d'écouter les guérisseuses traditionnelles, les autorités locales ont payé un genre de « médecin de la peste » entre guillemets, pour traiter entre guillemets, les malades. Dans de nombreux cas, peut-être dans la plupart, il s'agissait d'un homme vêtu d'un costume ridicule qui frottait des excréments humains sur les plaies ouvertes des personnes infectées. Retour à l'ère moderne, entre guillemets. En 2020, les connaissances et pratiques des gens du commun en matière de santé, qu'il s'agisse de bienfaits nutritionnels, d'herbes médicinales aux effets prouvés ou de médicaments réutilisés, n'ont pas reçu le moindre soutien institutionnel et ont même été interdites. Au lieu de cela, les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars et contraint des milliards de personnes à s'injecter de nouvelles saloperies dans les veines. J'ai réfléchi à deux fois avant d'écrire cette dernière phrase. Je ne suis pas anti-vaccin. C'est précisément parce que je suis attachée à la science, à l'instar de nombreux experts et nombreuses expertes de premier plan dans les domaines concernés, que je n'ai jamais cru à l'utilisation de technologies entièrement nouvelles sur des milliards de personnes sans disposer de plusieurs années de données sur la sécurité des traitements. Par ailleurs, il était impératif de conduire un examen public de toutes données au sujet de leur efficacité, surtout provenant d'études menées par les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes. En 2020, de nombreuses et nombreux scientifiques du domaine de la vaccinologie ont souligné la difficulté de produire des vaccins contre des virus qui mutent rapidement, comme les coronavirus. Au fil des ans, de plus en plus de preuves irréfutables ont montré que les vaccins proposés n'étaient ni sûrs ni efficaces. Ils n'empêchaient ni l'infection par le virus ni sa transmission et ne réduisaient pas non plus de manière significative le nombre d'hospitalisations ou de décès après quelques mois d'injection, contrairement à ce qu'affirmaient les politiciens, politiciennes, les fonctionnaires et les journalistes des grands médias. Nous connaissons toutes et tous de nombreuses personnes qui, une fois vaccinées, ont repris une vie normale en se gardant moins soigneusement d'attraper ou de propager la maladie parce qu'elles pensaient que la vaccination les rendait à la fois mieux protégées et plus sûres pour les autres. Certains types de vaccins ont provoqué de multiples effets secondaires à court terme, y compris, pour certains groupes d'âge, des taux d'hospitalisation et de décès plus élevés que la réduction de ces impacts du fait du Covid lui-même. On a également assisté à un recadrage complètement arbitraire et illogique du rôle d'un vaccin pour en faire quelque chose que l'on prend pour protéger les autres plutôt que soi-même. Dans le cas des personnes rendues suffisamment crédules par la peur et le désir d'être bien vues, ce recadrage les a menés à diaboliser toute personne choisissant de ne pas se faire vacciner. Nous voyons ici un parallèle entre l'époque de la peste et celle du Covid. Les discours des élites nous ont décrites comme dangereux et dangereuses les uns les unes pour les autres. Pendant les années de peste, nous devions être enfermés et des personnes devaient être payées pour nous surveiller, au lieu qu'on nous autorise et même qu'on nous encourage à nous entraider, qu'il s'agisse de se nourrir ou d'appliquer des connaissances traditionnelles sur la santé et le bien-être. À l'époque du Covid, nous avons dû isoler psychologiquement et parfois physiquement les personnes non vaccinées et non masquées, ainsi que toute personne dont l'analyse scientifique n'était pas en faveur des mesures permettant aux entreprises pharmaceutiques et aux grandes plateformes technologiques d'engranger des profits démesurés. Heureusement, la plupart des chats ont échappé aux politiques mal avisées de la pandémie, du moins pour l'instant. Mais la sinistre rime condamnant les boucs, ou les chats, émissaires, continue de se répéter. On dirait que la soif d'un sacrifice sanglant soit plus profondément ancrée que nous, dans les sociétés modernes, ne voulons le reconnaître. Peut-être que la répétition d'une politique absurde concernant les animaux de compagnie ne peut être comprise qu'en discernant la colère irrationnelle, mais bien enracinée, que nourrissent certaines personnes envers le monde naturel, au vu des perturbations et de l'insécurité dont elles font l'expérience. En effet, les animaux de compagnie sont le lien le plus étroit que nous ayons, pour la plupart d'entre nous, avec le monde plus qu'humain. Les détruire et rejeter ce lien d'amour avec la vie au sens large est une forme de punition qui peut être imaginée par des esprits paniqués. Et la panique de nos autorités est précisément le problème à prendre en compte si l'on en croit de nombreuses études de psychologie sociale portant sur cette habitude difficile à vaincre chez les élites. Ces recherches examinent comment, lorsque les dirigeants et dirigeantes se rendent compte que les systèmes qu'ils et elles administrent sont menacés, leurs réactions se traduisent souvent par des décisions draconiennes qui ne font qu'aggraver la situation. Par exemple, une forme typique de cette « panique des élites » entre guillemets consiste à faire respecter la loi et l'ordre de manière brutale à la suite de catastrophes naturelles. Une partie de cette panique des élites est une forme séculaire de défense de la vision du monde, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les pages précédentes. Ce concept désigne une situation dans laquelle, lorsqu'une personne devient plus anxieuse au sujet de sa sécurité personnelle et de sa mortalité, elle en devient plus attachée à sa vision du monde, et cet attachement peut devenir extrême et dénué de toute logique. En effet, en poussant à l'extrême certains préceptes d'une vision du monde, on aboutit à des comportements qui contredisent cette vision. Cela explique en partie pourquoi de nombreuses institutions en place dans les sociétés modernes n'ont pas réagi de manière moderniste à la pandémie. Au contraire, elles ont ajouté à la confusion et à la panique, et ont favorisé une approche superstitieuse des symboles et des rituels de la modernité, sans la rationalité sous-jacente qu'on associe à la modernité. Une véritable rationalité scientifique et un dialogue raisonné n'auraient pas créé, d'une part, d'hystérie morale autour de la question des vaccinations, des masques, de la distanciation sociale et des confinements. Et d'autre part, n'aurait pas non plus assisté à la diabolisation de nombreuses idées de réponses saines, mais non alignées sur les produits pharmaceutiques ou les prétextes des gouvernements. Ce phénomène de défense, conduisant à une vision du monde simulée à travers des comportements illogiques, n'est pas limité aux plus hauts et hautes responsables de la société. Par exemple, des personnes se sont portées volontaires pour recevoir des injections de rappel, alors qu'on leur avait affirmé auparavant que les deux premières injections les vaccineraient complètement et que des critiques les avaient prévenues que ces interventions ne fonctionneraient probablement pas. Ces personnes ne se sont pas comportées selon une rationalité moderne. Au contraire, elles ont participé à un rituel d'allégeance à la modernité et à l'autorité. C'est pourquoi je considère les temps actuels comme une ère de surmodernité, dans laquelle nos actions sont performatives et dénuées des principes originaux qui définissent la modernité. Si c'est votre cas, je me rends compte que ce point de vue peut vous sembler insultant. Je l'exprime ici parce que nous devons cesser d'être timides face à nos désaccords lorsque le bien-être et les libertés personnelles sont en jeu, y compris les vôtres et les miens. Si vous vous sentez contrarié, vous pouvez en profiter pour développer vos capacités de sagesse critique en observant vos pensées et sentiments et en déterminant si le fait d'être contrarié par quelqu'un d'autre, tel que moi, pourrait être un mécanisme de distraction. Les sociologues analysant la manière dont le fascisme s'est implanté en Europe ont identifié l'importance du soutien dont cette idéologie a bénéficié chez les personnes ordinaires, car elle ne s'est pas simplement appuyée sur le pouvoir des armes. Ils et elles ont identifié comment certaines personnes ont décidé de répondre à leur sentiment de contrariété au regard de la vie, en acceptant les récits des autorités sur les personnes ou les choses qui étaient à blâmer pour leurs difficultés. Des entretiens ont permis de révéler qu'inconsciemment, ces personnes savaient qu'elles avaient suspendu leur propre capacité autonome de perception et se sentaient donc personnellement perturbées par l'existence de gens qui n'avaient pas suspendu leur intelligence de la même manière. Cela a conduit à des agressions au sein de la population vis-à-vis de celles et ceux identifiés par l'État comme des ennemis du collectif en raison de leur dissidence. Selon ces chercheurs et chercheuses, de tels traits autoritaires résident potentiellement dans la plupart d'entre nous et peuvent surgir à tout moment, avec des effets désastreux. J'ai écrit un article détaillé à ce sujet dans une revue de psychothérapie, et je considère cette analyse datant d'il y a plusieurs décennies comme un avertissement clé pour nous aujourd'hui. Elle peut également contribuer à expliquer pourquoi, désormais, les personnes qui se sont ralliées à l'orthodoxie du Covid font feu de tout bois dans les discussions sur ce sujet et recourent à des arguments ad hominem face à leurs adversaires. En effet, elles cherchent peut-être à éviter de voir à quel point elles ont été facilement manipulées et à quel préjudice elles ont participé en conséquence. Selon les vociférations des nombreux et nombreuses bien-pensants, pensantes autoritaires, entre guillemets, nous, les dissidents et dissidentes, nous soucions moins de la santé et du bien-être des gens. C'était là une erreur pleine d'arrogance. Nous avions plutôt d'autres idées sur les réponses à apporter à la pandémie, notamment en donnant aux travailleurs et travailleuses les moyens de rester à la maison en cas de symptômes, en équipant les bâtiments d'une meilleure ventilation, en filtrant l'air et en détectant les cas de fièvre, mais aussi en offrant des protections ciblées aux personnes vulnérables et en recourant à une alimentation qui renforce l'immunité, à des plantes médicinales qui ont fait leurs preuves et à des médicaments sûrs qui existaient déjà. Mais comment se fait-il que tant de gens s'y soient pris si mal dans leur façon d'aborder le dialogue au sujet de la pandémie, sans parler des manières de répondre à cette dernière? L'une des raisons a été l'utilisation agressive de la psychologie morale par les médias pour diaboliser toute dissidence. Un article du Guardian sur une enseignante publié pendant la pandémie illustre cela très bien. Comme la majorité des gens, vaccinée ou non, elle a contracté le Covid. Par ailleurs, comme beaucoup d'enfants ces dernières années, certains et certaines élèves ont été testés positifs et positives. Le Guardian a rapporté des affirmations selon lesquelles elle aurait infecté les enfants et que cela ne se serait pas produit si elle avait été vaccinée. La première affirmation est une supposition et la seconde est une désinformation dangereusement trompeuse sur l'efficacité des vaccins. L'article du Guardian ne s'est pas penché sur les raisons pour lesquelles l'enseignante devait aller au travail alors qu'elle était malade. Il aurait été utile d'aborder des questions telles que la manière d'aider les employeurs et employeuses à couvrir leurs travailleurs-travailleuses dès les premiers symptômes, plutôt que d'attendre qu'ils et elles soient trop mal en point pour travailler, ou la manière de protéger les revenus et l'emploi des personnes dans de telles circonstances. Mais non seulement le Guardian a ignoré cette question de santé et de sécurité au travail dans cet article, mais une recherche rapide indique qu'il néglige cette question depuis 2020. Consciemment ou non, les rédacteurs et rédactrices du Guardian ont publié du contenu invitant à des agressions médicales, entre guillemets, medical aggressions, envers les personnes qui ne se conformaient pas à l'approche orthodoxe et son fiasco vis-à-vis du Covid, tout en procurant des profits considérables aux entreprises pharmaceutiques et aux grandes plateformes technologiques. En 2021, de nombreuses personnes soupçonnaient non seulement les médias de masse de manipuler le grand public, mais aussi les médias dits « sociaux ». Il y a eu les cas bien connus de spécialistes expulsés de plateformes telles que Twitter et LinkedIn, mais de nombreuses personnes soupçonnaient qu'il se passait quelque chose de plus subtil. Mes soupçons se sont renforcés en 2021, après que j'ai accueilli sur ma chaîne YouTube le docteur Assia Oduklé-Kolev de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous avons parlé de la nécessité pour les institutions médicales dominantes de mettre en place une meilleure approche vis-à-vis des communautés locales et de leur santé en général. 2 minutes après le début de l'entretien, Assia évoque le travail qu'elle a effectué il y a 20 ans pour encourager les communautés locales à adopter des mesures de santé publique recommandées, notamment l'usage de vaccins et de l'ivermectine, afin de réduire la charge virale de certaines maladies graves. Auparavant, mes vidéos étaient visionnées en moyenne plusieurs milliers de fois au cours des premières semaines suivant leur publication. Mais après quelques centaines de vues au cours des 2 premiers jours suivant la publication, cette vidéo a complètement stagné. J'ai été surpris par ces chiffres d'audience, d'autant plus que l'OMS était devenue très médiatisée à l'époque. Grâce à des communiqués internes de Twitter et à des documents de Facebook fournis dans le cadre d'une procédure judiciaire, nous savons désormais que les grandes entreprises technologiques procédaient à un filtrage de visibilité des contenus qui, selon elles, ou le gouvernement ou un réseau d'organisations, était susceptible de nuire à la politique du gouvernement états-unien. Nous savons même que des consortiums de ces organisations, au sein de groupes tels que le Virality Project, permettaient de supprimer ou de cacher des informations, même véridiques, s'ils estimaient qu'elles étaient néfastes à cette même politique. Ces groupes et Big Tech ont-ils donc secrètement réduit la visibilité d'une fonctionnaire de l'OMS parce qu'elle a mentionné l'utilité de l'ivermectine en même temps que la réduction de charge virale? L'activité autour du contenu que je publiais sur les médias sociaux s'est effondrée à cette époque, y compris de la part de trolls qui avaient l'habitude de me harceler et qui, apparemment, ne voyaient plus ce que je partageais. Nous savons également, grâce à des affaires judiciaires antérieures, que les grandes entreprises technologiques états-uniennes ont la capacité de façonner l'expérience en ligne des fonctionnaires et des politiciens-politiciennes, ainsi que des personnes cataloguées comme faisant partie de leur entourage, de manière à ce qu'ils et elles ne voient que certaines informations. Ce que l'on a appelé le « greyballing », d'après le premier cas connu où Uber a procédé de la sorte. Le terme se réfère au logiciel Greyball, développé par Uber pour identifier secrètement les membres des forces de l'ordre ou des gouvernements locaux aux États-Unis, en Australie, en Corée du Sud et en Chine, dans les lieux où l'entreprise contrevenait aux directives locales, afin d'éviter de proposer ses services à ces personnes. Le logiciel s'appuyait notamment sur la collecte et l'analyse de leurs données privées d'utilisation de médias sociaux et de leurs données de cartes bancaires, entre autres sources. Si c'est ce qui s'est passé, cela pourrait expliquer pourquoi les fonctionnaires étaient si mal informés. Que ce soit ou non le cas, le nouveau complexe industriel de la censure qui a été créé ces dernières années aux États-Unis fournit une structure antidémocratique pour défendre les intérêts d'une partie des institutions dominantes. Et l'emprise de la Big Tech sur la sphère publique dans d'autres pays pose un problème plus vaste. Sans sphère publique souveraine, d'autres nations deviennent de simples satellites d'un empire états-unien qui tourne à l'autoritarisme. Vous vous demandez peut-être si un tel pouvoir de censure et de manipulation est nécessaire pour le bien commun, entre guillemets. Il vous suffit alors de considérer comment la santé et le bien-être des enfants et des jeunes adultes ont été négligés tout au long de la pandémie. Ce sont les enfants et les jeunes qui ont le plus souffert des confinements, que ce soit en raison d'un manque de scolarisation, de fréquentation sociale et d'exercice, ou du fait de malnutrition. On savait que ces catégories d'âge n'étaient pas particulièrement exposées à la maladie à l'époque et qu'elles avaient le plus à perdre en cas de réaction indésirable aux nouvelles vaccinations. Lorsqu'il a été proposé d'étendre ces vaccins aux enfants à l'automne 2021, j'ai pris un mois de congé pour rédiger un document à l'intention des responsables politiques, résumant les données et les études scientifiques qui étaient ignorées dans les médias grand public et censurées sur les réseaux sociaux. Les données montraient que, même si les nouveaux vaccins ne causaient pas de dommages à long terme, plus d'enfants mouraient de réactions indésirables à l'injection que de la maladie elle-même. Parce que je n'étais pas médecin, je savais que ce document ne serait pas pris au sérieux. J'ai donc contacté les 4 professionnels de la santé avec qui j'étais en lien, mais aucune de ces personnes n'a voulu être publiquement associée à ce document. L'une d'elles m'a même demandé « Allez-vous payer mes frais de justice ?» Ce processus m'a donné à réfléchir. Ce n'était pas juste moi qui étais malchanceux. Nous, membres des classes moyennes supérieures et éduquées, sommes façonnés d'une part par notre déférence à l'égard des institutions dominantes et d'autre part par notre conviction d'être des personnes éthiques. Peu d'entre nous ont l'habitude de collaborer et de nous entretenir de façon authentique et sur un pied d'égalité avec des personnes venues d'autres milieux. De ce fait, nous devenons « hors sol », entre guillemets. Pour moi, le fait que même les professionnels chargés de prendre soin des jeunes n'accordaient pas la priorité au bien-être de ces derniers et dernières était révélateur de la nature et de l'ampleur du problème. Pour les écolibertaires, les implications de cette prise de conscience dans leurs orientations à une époque d'effondrement sont difficiles mais importantes à accepter. Je reviendrai sur ce point plus loin dans ce chapitre. Prenons un moment pour récapituler avant d'analyser ce qui s'est passé. La plupart des gouvernements ont exigé que nous nous injections un nouveau médicament, sans passer par les autorisations réglementaires habituelles, au détriment de notre liberté de mouvement, d'expression, de réunion, de commerce, d'emploi et d'éducation, et au mépris de notre vie privée. Nos grands médias nous ont encouragés à mépriser toute personne posant des questions normales sur ce programme politique, y compris sur ses bases scientifiques ou sa proportionnalité, La majorité des cadres et professions intellectuelles supérieures en position d'influence ont ignoré les doutes et les inquiétudes et ont soit promu l'orthodoxie favorable aux entreprises ou sont restés les bras croisés pendant que des scientifiques étaient diabolisés ou réduites au silence. Le manque d'informations sur toutes sortes de traitements précoces et leur indisponibilité, couplée à la fausse confiance qu'inspiraient les vaccins et les masques, ont conduit à des taux d'infection et à des dommages plus importants. Et ce, avant même de prendre en compte les effets futurs de certains vaccins, qui deviennent de plus en plus évidents à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plus d'un demi-milliard de jeunes ont vu leur éducation et leur développement gravement perturbés. Ces politiques ont conduit des centaines de millions de personnes à sombrer dans la pauvreté et à souffrir de malnutrition, ce qui a notamment entraîné des retards de croissance chez des enfants qui en seront marqués à vie. En outre, ces politiques n'ont pas réellement permis d'enrayer une situation qu'on voit se dessiner et qui pourrait avoir des effets catastrophiques pour la société, une série de réinfections et de dommages à long terme sur nos systèmes immunitaires causés par le Covid. Par conséquent, la grande majorité des membres des classes moyennes supérieures et éduquées ont du sang sur les mains. C'est pourquoi tant d'entre elles et eux ont continué à demeurer volontairement aveugles jusqu'en 2023, et le resteront sans doute, et à calomnier des gens comme moi. En quoi cela diffère-t-il de la manière dont les classes les plus aisées se seraient comportées pendant la peste de 1665 ? Ces rimes horrifiantes de l'histoire sont riches d'enseignements. Au-delà même du sujet de ce qui peut se passer lors de crises de santé publique, aujourd'hui et à l'avenir. Elles démontrent la probabilité que les systèmes nationaux et mondiaux du pouvoir impérial réagissent aux perturbations de manière qui aggrave la situation. Lorsque les sociétés deviennent perturbées et instables, c'est toujours la même chose. L'Empire contre-attaque. Nos adaptations à une époque qui sera caractérisée par davantage de perturbations doivent tenir compte de cette réaction. Cela signifie que nous devons construire nos réseaux de résistance aux politiques non scientifiques, intéressées et contre-productives des élites et des professionnels qui sont à leur solde ou qui recherchent leur louange. Une sagesse critique pour la grande réappropriation. Comment se fait-il que certaines d'entre nous aient rapidement vu le nouveau manteau blanc de l'empereur pour ce qu'il était, au milieu de l'hystérie et de la propagande marquant les temps du Covid? Cela a été facilité par notre façon d'interpréter les messages transmis par les médias, les autorités et d'autres personnes, qui impliquait ce que j'ai décrit comme une sagesse critique au chapitre 8. Il s'agit notamment de remarquer la manière dont les événements et les questions sont présentés et comment cela sert ou non le pouvoir en place, grâce à ce que j'appelle la culture critique. C'est parfois d'une grande simplicité. Par exemple, de nombreuses personnes ont été surprises du revirement d'opinion chez le bureaucrate médical états-unien Anthony Fauci, sur les vaccins. Il a commencé par rejeter les avantages des vaccinations contre le Covid effectuées en Chine, au motif qu'il fallait passer par de longues périodes d'essais préliminaires. Mais une fois que les entreprises états-uniennes eurent préparé les leurs, il affirma alors que les vaccins pouvaient être utilisés sans délai. D'autres personnes se demandaient pourquoi, en octobre 2020, le discours selon lequel les mesures de confinement et les vaccins servaient à aplanir la courbe, entre guillemets, a été remplacé, dans tous les médias, par celui d'experts médicaux et expertes médicales, affirmant que ces interventions seraient utiles pour réduire les niveaux de Covid, même si on ne constatait pas de pic important dans les taux d'hospitalisation. Ce changement de discours signifiait que les mesures de confinement pouvaient être utilisées à nouveau, et plus souvent, de manière à encourager l'adoption des vaccins, ce qui justifierait alors leur utilisation à long terme, plutôt que simplement pour éviter de surcharger les services de santé. Il n'est ni cynique ni paranoïaque de considérer les intérêts commerciaux et institutionnels sur lesquels ces récits s'alignaient. Tout est question d'où l'on dirige son attention. La culture critique nous permet également de remarquer comment les médias grand public utilisent la psychologie morale pour influencer les attitudes et les comportements, qu'un ou une journaliste soit conscient, consciente ou non de le faire, ou qu'il ou elle se contente de répéter les cadres qu'on lui a fournis. Au chapitre 8, nous avons vu comment le Guardian véhicule souvent des perspectives restrictives et éco-modernistes sur l'environnement, et au chapitre 11, nous avons vu comment il a véhiculé des points de vue négatifs sur la nature humaine. Pendant la pandémie de Covid, ce journal a persisté dans le récit selon lequel les confinements, les masques et les vaccinations, en tant que principales mesures politiques, se justifiaient sur des bases à la fois scientifiques et morales, et il n'a préconisé aucune des mesures que j'ai mentionnées plus haut. Il est aussi resté fidèle au récit selon lequel on ne pouvait pas nous faire confiance pour prendre des décisions sages et que toute personne en désaccord avec cette orthodoxie était mal informée ou immorale. Cela a constitué sa ligne éditoriale du début à la fin, comme illustré par l'article précédemment cité sur une enseignante non vaccinée. L'expérience du Covid démontre de façon douloureuse combien la sagesse critique est essentielle. Elle nous permet de ne pas participer à la maladaptation des institutions dominantes face aux perturbations sociétales et à l'effondrement. En effet, cette sagesse nous aide à discerner les récits manipulateurs qui sont diffusés au sein de la société. Elle nous aide également à reconnaître quand les différentes parties d'un empire mondial en désagrégation cherchent à s'emparer du pouvoir de manière opportuniste à une époque où ne cessent de se répéter les circonstances exceptionnelles. Elle nous aide à comprendre que le problème réside dans des systèmes de pouvoir et des classes de personnes et non dans l'existence de quelques cabales maléfiques imaginaires. Grâce à elle, on prêtera attention aux preuves avérées de conspiration et non aux « porno-complotistes », entre guillemets. Ce dernier terme désigne les arguments illogiques ou non prouvés, qui deviennent populaires parce qu'ils suscitent chez le public un sentiment d'indignation à l'égard d'une figure ou d'une cabale maléfique inatteignable. Ce faisant, ils font appel au cadre du « mauvais parent strict », entre guillemets, variante du cadre du « père strict » si répandu dans la société. Chapitre 8. L'emploi du terme « porno » se justifie parce que, tout comme dans la pornographie, il ne s'agit pas ici de quelque chose de réel. Ces récits illusoires détournent notre attention des faits avérés de conspiration, nous conduisant soit à ne pas agir du tout, soit à agir contre nos voisins-voisines qui s'organisent de manière à défier le pouvoir de manière plus significative. Prenons par exemple l'analyse que j'ai faite au chapitre 2 sur les preuves que certaines banques centrales ont utilisé la pandémie comme excuse pour mettre en œuvre des politiques qu'elles avaient déjà planifiées. La version porno-complotiste de ces informations prétendrait que les dirigeants-dirigeantes des banques centrales ont orchestré ou simuler la pandémie. Je pense qu'il s'agit là d'un point de vue illogique et sans fondement qui saperait l'attention portée aux seuls faits, lesquels devraient conduire à ce qu'on demande des comptes à ces institutions et à ce qu'un dialogue public ait lieu sur ce qui s'est réellement passé. C'est ma rencontre avec David Icke en 1988 qui m'a amené à développer ce point de vue sur le porno complotiste en tant que discours délibérément contre-productif. Oui, ce n'est pas une faute de frappe. J'avais 16 ans, en 1988, et Icke était alors porte-parole du Parti vert de l'Angleterre et du Pays de Galles. J'ai persuadé l'un de mes professeurs de l'inviter à s'exprimer dans notre école. L'année suivante, le Parti vert a obtenu son plus grand succès électoral au Royaume-Uni, avec 15% des voix aux élections européennes. Soudain, le célèbre visage de ce parti, David Icke, a commencé à prétendre être le fils de Dieu, notamment lors du talk-show télévisé le plus populaire du pays en 1991. Le soutien au Parti vert s'est effondré. 8 ans plus tard, le mouvement anti-mondialisation devenait un phénomène mondial, mettant en lumière la façon dont les mondialistes économiques imposaient des politiques de privatisation et de déréglementation aux pays du monde entier par l'intermédiaire d'organisations telles que la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce. David Icke a repris à son compte l'ensemble de cette analyse et l'a enjolivé de l'argument selon lequel les mondialistes qui se cachent derrière tout cela sont en fait des lézards, changeant de forme. Étrangement, il est devenu si célèbre qu'un grand nombre de personnes ont rejeté la critique de la mondialisation et des mondialistes comme étant une étrange théorie du complot. Lorsque Occupy Wall Street a pris son essor 10 ans plus tard, Icke et ses reptiles ont soudain refait surface. Et quand les critiques à l'encontre des réponses autoritaires au Covid ont pris leur essor en 2020, Icke était de nouveau là pour nous dire que le plus grand danger serait que les gouvernements émettent de l'argent au lieu de l'emprunter aux banques pour ensuite nous le donner gratuitement. En effet, son dernier porno complotiste fait la part belle à l'affirmation illogique selon laquelle un revenu de base universel nous empêcherait de gagner des salaires, de faire des affaires ou de travailler les uns les unes pour les autres comme nous le faisons aujourd'hui. Les banquiers et banquières doivent être ravis de la façon dont les idées d'Icke se sont ensuite répandues, amenant les pauvres à craindre la possibilité de recevoir de « l'argent gratuit », entre guillemets, de même que certains et certaines aux États-Unis ont craint pendant des années de recevoir gratuitement des soins de santé. Une autre raison pour elles et eux de se réjouir est que cela détourne notre attention de la manière dont le système monétaire actuel permet aux banques internationales de discipliner nos gouvernements et d'exploiter nos vies, comme nous l'avons vu dans les chapitres 2 et 10. Bien que je sois profondément préoccupé par le capitalisme de surveillance, comme nous le verrons plus loin, les théories monétaires disséminées par Icke nous détournent également de constater que chacune des 6 entreprises impliquées dans nos paiements électroniques peut d'ores et déjà contrôler nos habitudes d'achat ou bloquer nos dépenses, et l'a fait dans certains cas lorsque des personnes menaçaient le pouvoir en place, comme expliqué au chapitre 10. Mais le porno complotiste d'un mal futur est beaucoup plus divertissant que la conspiration avérée. Nous vivons déjà dans une société non libre et dirigée par la finance mondiale, que nous n'avons pas remarqué parce que c'était plus commode de détourner les yeux, et parce que nous n'avons rien fait de significatif pour remettre en question cette situation. Pour développer notre sagesse critique, je continue de penser que la chose la plus importante à faire correspond à ce que j'ai dit dans ma conférence inaugurale en tant que professeur en 2014. Nous devons varier nos sources d'alimentation médiatique, entre guillemets, et parler à des personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'habitude de parler, issus de classes et de cultures différentes. Le cas surprenant de Noam Chomsky, à l'époque du Covid, en est la preuve. Il est l'analyste le plus célèbre au monde de la manière dont les grands médias façonnent nos perceptions de la réalité au service du pouvoir. Pourtant, coincé dans sa maison pendant des mois et percevant le monde à travers les médias grand public et les médias sociaux, il a fini par lâcher au cours d'une interview que les personnes non vaccinées contre le Covid devraient être retirées de la société et que la façon dont elles se nourriraient alors ne le concernait pas. Quelles que soient les théories de chacun, chacune sur la société, cet exemple montre bien combien des informations de mauvaise qualité peuvent conduire à des opinions exécrables. Considérant mes explications ci-dessus à propos du Covid, vous êtes peut-être déjà d'accord avec moi pour dire que de nombreux garde-fous devraient être mis en place face aux puissants puissantes si l'on veut que l'éco-liberté soit une possibilité à la portée de tous et toutes. Mais face aux forces manipulatrices que j'ai décrites jusqu'à présent dans ce chapitre, De nombreuses personnes penseront peut-être qu'il est inutile d'essayer d'influencer la société dans son ensemble. On considérera peut-être les efforts politiques comme participant au maintien d'une notion illusoire d'agentivité. Toutefois, cela suppose que les effondristes et les écolibertaires agissent en s'attachant à une certaine vision de la réussite, plutôt que sur la base d'une cohérence entre nos actions, notre conscience et nos valeurs. Il est vrai que certaines personnes ressentent un plus grand besoin de voir les bénéfices tangibles de leurs actions. Se concentrer sur l'échelon local peut donner l'impression d'un impact tangible à court terme, mais cela peut aussi accroître la souffrance à long terme si ces bénéfices localisés se trouvent balayés par des forces plus importantes. Par exemple, je ne pense pas que ma ferme biologique en agroforesterie synthropique va nécessairement m'aider ou aider mes proches à mieux vivre à mesure que la société dans laquelle je vis devient plus instable et finit par s'effondrer. Il y a trop de gens qui ne cultivent pas leur propre nourriture et je ne vais pas essayer de défendre ma propriété si on en arrive à de telles extrémités. Il serait donc illusoire de se concentrer sur le niveau local en raison d'un attachement aux résultats. Toutefois, cela peut venir compléter un engagement politique plus large. En effet, lorsque notre résistance ne s'associe pas au renforcement des moyens de production sous le contrôle de résistants et résistantes comme nous, elle ne repose sur aucune base solide. Le soi-rail a toujours besoin du soi des chis, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. L'autonomie a toujours besoin de l'autosuffisance, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Depuis des décennies, nous avons expérimenté toutes sortes d'activismes gentillets et toutes ont échoué. Prenant acte de cet échec, certains et certaines écologistes, comme le cofondateur d'Extinction Rebellion, Roger Hallam, soutiennent aujourd'hui que nous devons développer et poursuivre un programme révolutionnaire. Si je reconnais que les tactiques passées ont échoué et que l'effondrement des sociétés modernes crée des opportunités de changement social massif, je ne suis pas d'accord avec l'idée que, dans le contexte de ces sociétés, des révolutions peuvent être utilement mises en œuvre dans la plupart des pays du monde, comme je l'ai expliqué dans l'introduction. Au lieu de cela, nous pouvons être plus nombreux, nombreuses, à collaborer pour résister au pouvoir néfaste des institutions et des fonctionnaires de la modernité impériale, pour nous réapproprier notre pouvoir dans de nombreux aspects de notre vie et pour développer à la fois des idées politiques et des réseaux de personnes. Cela nous permettra d'être prêts, prêtes, lorsque les systèmes s'effondreront, et d'utiliser les opportunités sporadiques qui pourraient se présenter pour superviser les institutions de l'État, au niveau national ou local. Après des années de recherche de dialogue et d'efforts sur ces questions, je suis devenu un ferme partisan de cette approche, et elle représente, selon moi, une pièce manquante importante dans les discussions sur l'adaptation radicale. Ensemble, nous ferions bien de réfléchir à la question suivante et d'en discuter. Quel pouvoir pourrions-nous collectivement nous réapproprier pour réduire les dommages et permettre de meilleures possibilités? Je parle ici du pouvoir qui nous a été confisqué par les systèmes et la culture de la modernité impériale. Il inclut le pouvoir de notre imagination, de nos moyens de communication, de nos terres, et de nos moyens d'échange. Je propose d'intégrer cette question de la réappropriation en tant que cinquième R du cadre de l'adaptation radicale. Je me prends à rêver. Se pourrait-il qu'un jour, le terme de « grande réappropriation » vienne à décrire une période de l'histoire, commençant dans les années 2020, au cours de laquelle une plus grande partie de l'humanité aura recouvré son pouvoir face aux manipulations et aux récupérations exercées par les hiérarchies dans toutes les sociétés, alors que les systèmes et les valeurs de la modernité impériale commençaient à s'effondrer. Les personnes citées dans le dernier chapitre ne sont que quelques-unes de celles qui participent, à leur façon, à une grande réappropriation. Cette dernière est donc déjà en cours, mais elle se déroule de manière fragmentée. en introduisant une série de néologismes, plutôt que d'utiliser simplement la terminologie la plus populaire au moment de la rédaction de ce livre, je suis conscient que je pourrais ne pas être entendu au-delà des personnes prenant le temps de se plonger dans les chapitres et les idées présentées ici. Malheureusement, une grande partie de la terminologie populaire est issue de catégories binaires et superficielles, véhiculées par des grands médias frauduleux et des médias alternatifs racoleurs. Mais avant de poursuivre, je vais résumer les catégories et les étiquettes qui dominent en ces années 2020, si sombres et turbulentes. L'écolibertarisme est un programme antimondialiste, anticommuniste, anticapitaliste, non violent, pro-liberté, pro-justice, pro-local et pro-nature, qui vise une grande réappropriation du pouvoir par la majorité de l'humanité, afin que nous ayons la chance de vivre dans l'éco-liberté. Dans la suite de ce chapitre, je souhaite me concentrer sur les domaines dans lesquels notre vigilance sera de mise, à mesure que nous poursuivons ce type de réponse à l'effondrement dans le respect des libertés. Résister à l'autoritarisme, intérieur ou extérieur à soi. Je pensais auparavant qu'à mesure que la réalité de notre situation inextricable deviendrait plus claire, davantage de personnes se tourneraient vers la foi. Mais je n'avais pas réalisé que pour certains, certaines, cela signifierait se tourner vers la religion laïque du progrès perpétuel. Chapitre 8. J'ai remarqué que de plus en plus de personnes, travaillant dans le domaine du développement durable, ressemblent à des prédicateurs et prédicatrices évangéliques, qui nous vantent la « positivité climatique » entre guillemets, avec leurs histoires de salut miraculeux hors du désastre écologique. Depuis quelque temps, on n'entend plus le genre de raisonnement, sobre et rationnel, selon lequel passer à l'action serait une question de bon sens économique. Il s'agit maintenant d'une exhortation à ne pas perdre la foi, sous peine de se voir condamné à être un ou une catastrophiste. Mais la foi en quoi? Dans les systèmes, la culture, les visions du monde et les identités qui ont créé ce gâchis? Je n'ai jamais bien réagi aux prédicateurs, prédicatrices au regard fou. Et ce n'est pas parce que les prêcheurs, prêcheuses de la religion du progrès travaillent dans le monde des affaires, des organismes caritatifs ou de l'université, qu'ils et elles en deviennent plus attirants et attirantes. Lorsqu'on veut éviter les émotions douloureuses et s'en tenir à sa vision du monde, il est clair que les phénomènes de défense de la vision du monde et d'évitement expérientiel sont à l'œuvre. Pour ces personnes, il est moins douloureux de devenir des croyants-croyantes fanatiques et d'enrager contre les hérétiques, même si ces hérétiques incluent la majorité des jeunes d'aujourd'hui, qui constatent que l'avenir a très sombre allure. Outre l'optimisme délirant, il existe d'autres façons de détourner son attention de la situation difficile décrite dans ce livre. Les élites mondiales de la tech ont inventé une nouvelle philosophie qui leur permet de ne pas s'inquiéter autant des souffrances actuelles de l'humanité. Puisqu'il y aura des milliards d'autres humains dans le monde futur, ainsi que des trillions d'êtres artificiels sensibles de type humain, c'est-à-dire des machines. Leur vision sublimement technologique de l'avenir, plutôt bizarre, est peut-être née d'une expérience de la vie réelle comme étant indisciplinée et, par conséquent, dérangeante. Ce que les milliardaires de la technologie qui financent les personnes et les instituts à l'origine de cette philosophie long-termiste ne comprennent peut-être pas, c'est que la technologie n'est qu'une partie de la nature et non l'inverse. Une autre perspective, également assez populaire dans les cercles de la Silicon Valley, refuse d'accepter la possibilité d'un effondrement de la société, car cela interférerait avec ses présupposés sur le progrès humain. Il s'agit d'une forme de théorie de l'évolution consciente, qui considère arbitrairement l'être humain comme le sommet de l'évolution et postule que nous pouvons désormais diriger l'évolution de notre propre espèce. La soi-disant loi de l'attraction a aussi de nombreux et nombreuses adeptes dans la Silicon Valley. Selon cette théorie, qui s'appuie sur un mélange égocentrique et peu ragoûtant d'anciens enseignements sur l'unité et l'origine interdépendante, agrémenté d'une bonne dose de physique quantique fantaisiste, chacun, chacune de nous manifeste individuellement le monde par notre attention. Cela signifie que mes deux dernières années de lutte pour produire ce fichu livre n'ont pas réellement existé jusqu'à ce que vous le manifestiez. Oui, vous, seulement vous, toujours vous, vous, vous. En voulant qu'un livre comme celui-ci se manifeste dans votre monde. En y réfléchissant bien, cela n'aurait pas de sens, à moins que vous souhaitiez, consciemment ou non, que la société court à sa perte. Mais alors, l'effondrement, ce serait donc de votre faute? Je plaisante. Cependant, il est vrai qu'une certaine spiritualité New Age tente à imprégner ces conversations. Elle donne parfois lieu à des commentaires selon lesquels les difficultés actuelles signifient que nous allons assister à un réveil spirituel mondial qui amènera le paradis sur terre. Ce serait tout à fait appréciable. Mais si un tel réveil devait se produire, cela aurait sans doute eu lieu il y a 2000 ans, au Tibet. On y méditait quand même sérieusement. Quant à moi, j'appelle de mes vœux et travaille à l'avènement d'une évotopie dans laquelle plus de gens verraient la réalité dans sa plénitude. Cependant, je ne pense pas que cela réparera magiquement les impacts destructeurs. Chapitre 11. Si j'ai évoqué la Silicon Valley à l'instant, c'est parce qu'il y règne un mélange d'individualisme, de privilèges et d'immersion dans des sociétés de consommation industrielle, générant l'adhésion à des idées qui détournent de la réalité. Tout cela consiste à éviter la douleur et donc à empêcher une potentielle désintégration positive de soi-même qui permettrait d'émerger dans un nouveau mode de vie effondriste. En tant qu'effondriste, l'une de nos craintes est que lorsque les personnes en proie à l'évitement expérientiel abandonnent leur optimisme délirant, elles peuvent continuer à réprimer leurs émotions difficiles en recourant à l'agression autoritaire. Nous craignons également que ces diverses tactiques de distraction n'empêchent la société dans son ensemble de dialoguer sur les mesures à prendre face à un avenir difficile pour le monde entier. De ce fait, nous ne tenons pas compte des préparatifs des élites en vue de l'effondrement de la société, dont beaucoup sont contre-productifs. L'un de ces moyens de préparation est du domaine de l'armée. Une semaine après son investiture, le président Biden a signé un décret reconnaissant le changement climatique comme une priorité de sécurité nationale. Au Royaume-Uni, le ministère de la Défense a étudié les implications des perturbations sociétales dues au changement climatique dans le monde entier. Selon un rapport de ce ministère, l'infrastructure de l'industrie de la défense est, je cite, susceptible d'être exposée à des événements liés au climat qui pourraient perturber des chaînes d'approvisionnement, partiellement ou dans leur entièreté, affectant la fourniture d'équipements essentiels et de capacités de combat. Le Royaume-Uni pourrait perdre l'accès aux intrants de la chaîne d'approvisionnement, tels que les minerais utilisés pour la fabrication d'équipements, de plateformes et de composants de défense, ou si un conflit violent avait lieu dans les régions d'extraction de minerais en raison de pénurie de ressources, cela pourrait nuire à la préparation des forces du pays. Dans les décennies à venir, certains pays pourraient être tentés de limiter délibérément l'approvisionnement en ressources rares à des fins géopolitiques, nationalisme des ressources, et des tensions sur les ressources pouvant aller jusqu'à des actions militaires pour sécuriser les approvisionnements ne sont pas à exclure. Fin de citation. Ici, le droit souverain d'un pays à décider de l'exploitation des ressources à l'intérieur de ses frontières est reformulé comme une tentation qui légitimerait alors une action militaire. En d'autres termes, les forces armées pourraient entrer en guerre pour garantir leur capacité à entrer en guerre. On peut d'ores et déjà constater un problème. Si les militaires d'un certain pays analysent les conséquences d'un effondrement, il est probable que beaucoup d'autres le font aussi. Le résultat ne sera pas beau à voir. Il serait utile qu'un plus grand nombre de simples citoyens et citoyennes participent à ces conversations, et, idéalement, qu'ils et elles soient originaires de nombreux différents pays. Au cours des décennies que j'ai passées à travailler dans le domaine de l'environnement, j'ai souvent discuté de la question de savoir si la démocratie était un obstacle à la protection de l'environnement. C'était même l'une des questions posées à l'examen final de mon diplôme de géographie à l'université de Cambridge. Nous avons toutes et tous fait l'objet d'une manipulation et d'une coercition de grande ampleur de la part du capitalisme et de ce que je qualifie de modernité impériale. En prenant conscience de ce fait, j'ai compris une chose. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous aurions pu décider si nous avions vécu dans des systèmes véritablement démocratiques, caractérisés par une participation collective à la fois large et bien informée au sujet de tous les aspects de notre vie. Malheureusement, nombre de mes collègues écologistes ne voient pas les choses de la même manière. Au contraire, face aux données terrifiantes sur l'environnement et aux tendances politiques régressives, ils et elles sont devenus plus misanthropes et plus autoritaires. J'ai constaté que si l'on ne comprend pas que c'est notre manque de liberté qui a entraîné une telle destruction, on peut adopter une vision négative de la nature humaine. Si l'on ne considère pas l'idée que des leaders forts peuvent imposer des changements positifs comme faisant partie de notre endoctrinement, en tant que citoyens, citoyennes vivant dans des sociétés modernes hiérarchiques, adopter un point de vue autoritaire peut être vu comme une question de bon sens. Chapitre 8. En ce qui concerne les réponses draconiennes des gouvernements au Covid, certaines écologistes ignorent à quel point ces réponses étaient stupides, contre-productives et illégitimes, et les voient même comme un modèle d'action face à la crise climatique. Dans l'introduction, j'ai donné des exemples d'écologistes exprimant ce sentiment. Simultanément, certains chercheurs et certaines chercheuses qui perçoivent l'effondrement des sociétés comme je le décris dans ce livre mettent en avant des stratégies autoritaires. Par exemple, le philosophe John Foster souhaite voir apparaître une élite d'avant-garde qui, je cite, « connaissant la dure vérité de notre situation et déterminée à y vivre, accepte la sinistre responsabilité qui l'accompagne de prendre le pouvoir par tous les moyens possibles, sans attendre l'aval d'une quelconque majorité et même en passant outre les réticences d'une forte majorité, afin d'empêcher les horreurs qui peuvent encore l'être. Mais parce qu'elle agit ainsi au nom de l'intégrité de l'humanité dans cette situation désespérée, malgré une forme de représentativité totalement non quantifiée, cette élite représente l'ensemble de l'humanité. C'est là sa garantie et sa légitimité pour exercer toute la force institutionnelle qu'elle peut commander et même toute force supplémentaire qui s'avérerait nécessaire. » Fin de citation. Il explique que sa foi en l'humanité est une foi en l'existence d'une telle élite d'avant-garde. Il considère que notre situation climatique insoluble signifie que la politique doit passer de manière décisive de la démocratie à la thérapie. Le public étant considéré comme accro à la consommation plutôt que comme un peuple souverain, manipulé et opprimé. Il espère que des initiatives nées au sein de classes moyennes supérieures et éduquées, comme celle du flanc modéré, pourraient conduire à l'émergence d'un groupe plus restreint poursuivant un tel objectif, ce qu'on pourrait appeler un flanc stalinien. Malgré certaines préoccupations socialistes affichées, l'un des problèmes immédiats des stratégies autoritaires est qu'elles peuvent encourager la recherche d'un alignement sur les programmes des élites qui se servent de la situation écologique pour poursuivre des initiatives d'enrichissement personnel mal avisées et qui peuvent s'avérer contre-productives. Un exemple en est le marché du carbone, qui a généré des profits pour les entreprises polluantes sans avoir eu d'impact significatif sur les émissions. Le marché des contreparties de fixation carbone ayant été officialisé par les Nations Unies en 2021, il en résultera une augmentation du taux d'acquisition de grandes surfaces foncières, conduisant à des monocultures forestières aux résultats environnementaux médiocres. Il suffit de considérer l'exemple de la Nouvelle-Zélande, où les approches de gestion forestière focalisées sur le carbone ont entraîné des dégâts bien plus importants lors d'un cyclone. La soi-disant « loi sur la réduction de l'inflation » aux États-Unis constitue un autre cas d'exploitation d'une crise par des entreprises. Par ce texte, d'énormes sommes d'argent public ont été allouées à des projets douteux, tels que les machines de capture directe de l'air. Chapitre 5. Suite à d'énormes dépenses de relations publiques et de lobbying venant de ces industries, des politiques similaires sont en train d'être mises en place ailleurs dans le monde. Les intérêts industriels liés aux mesures prises en réponse au changement climatique s'élèvent désormais à des trillions de dollars. Par conséquent, loin de défendre le climat, de nombreuses personnes risquent d'en devenir des utilisateurs et utilisatrices. Par le mot « utilisateur-utilisatrice du climat »,« climate users », je désigne des membres de classe moyenne supérieure et éduquée qui tirent parti des préoccupations climatiques pour s'enrichir et pour renforcer leur statut social, leur influence et leur estime de soi. Le fait de s'aligner sur les élites afin de tenter d'actionner des leviers du pouvoir pose un autre problème. On s'éloigne ainsi des réalités et des préoccupations des gens ordinaires, notamment celles de la classe ouvrière. Les politiques draconiennes adoptées à l'égard des agriculteurs-agricultrices ont suscité des réactions politiques massives, tant au Sri Lanka qu'aux Pays-Bas, comme je l'ai mentionné dans l'introduction. Pour les personnes qui pensent que le recours aux tribunaux est la solution miracle pour faire évoluer la situation sans consentement démocratique, les manifestations de masse et, aux Pays-Bas, le rejet par les urnes de l'achat obligatoire de terres agricoles par le gouvernement ont constitué un important rappel à la réalité. Ces deux situations ont été soit ignorées, soit défendues, à l'époque, par tous les écologistes occidentaux-occidentales les plus en vue. Le facteur commun à toutes les réponses que j'ai énumérées dans les deux premiers paragraphes est l'influence des élites. Étant donné que les millionnaires du monde entier utiliseront à eux et elles seuls 72% du budget carbone restant pour que l'état du monde demeure sûr, selon le GIEC, il est important de rejeter le leadership hypocrite des élites en matière d'environnement. Nous devons donc nous opposer à tous les types de politiques que je viens de décrire, tout en promouvant des alternatives qui donnent aux gens le pouvoir de régénérer leur environnement et de se préparer à des perturbations plus importantes de leur société. C'est ce que propose l'approche écolibertaire. La démarche la plus évidente et la moins responsable pour répondre à la situation environnementale consisterait tout simplement à augmenter les prix à un point tel que les gens ne pourraient plus se permettre de consommer. Au chapitre 2, j'ai expliqué comment les banques centrales ont sciemment créé les conditions d'une hausse persistante de l'inflation par des politiques qu'elles ont prétendu, à tort, être dues à la pandémie. Je ne sais pas si l'appauvrissement de la population compte parmi les intentions de certaines dirigeants et dirigeantes de banques centrales, que ce soit pour des raisons environnementales ou autres. En tout cas, une approche éco-libertaire conduit à leur demander des comptes sur leur comportement et cherche à remettre les banques et les systèmes monétaires entre les mains des citoyens et citoyennes. Cela doit s'effectuer dans le cadre d'un programme plus large de démocratisation du système qui a causé de tels dommages. Chapitre 10. Les rédacteurs et rédactrices en chef des grands médias, ainsi que le nouveau complexe industriel de la censure qui a émergé aux États-Unis, font cause commune contre des perspectives plus radicales sur la situation environnementale. Les médias de masse qualifient toute critique de la climatologie établie de théorie du complot, malgré les nombreuses données scientifiques qui étayent ces points de vue dissidents. Chapitre 5. Les sites web de vérification des faits affirment que les articles sur le franchissement de seuils environnementaux sont faux, et des plateformes comme Facebook filtrent la visibilité à la fois de ce genre de contenu et des personnes ou groupes qui le partagent. Ce comportement a été condamné par des climatologues de renom, mais se poursuit néanmoins, ce qui montre que la censure est motivée par des considérations non scientifiques. Plus sinistre encore, les groupes de réflexion financés par l'État qui travaillent sur les questions de sécurité et la censure de l'Internet cherchent à établir un lien entre l'anticipation, tout à fait normale, de nouvelles perturbations et ruptures sociétales, et l'extrémisme violent, malgré l'absence de théorie psychologique ou de preuves à l'appui de ce point de vue. Selon un think tank influent, en lien avec le gouvernement britannique, des groupes comme le mouvement non-violent Extinction Rebellion, XR, devraient être considérés comme des extrémistes à l'échelle nationale, et les pleins pouvoirs antiterroristes de l'État devraient être utilisés face à eux. Il m'a semblé surréaliste d'être mentionné tout au long de leur rapport comme étant une source d'inspiration pour XR. D'autant plus que j'ai constamment critiqué quiconque suggérant que des formes plus violentes d'activisme pourraient être acceptables. Plusieurs autres organisations financées par l'État, en particulier aux États-Unis, s'efforcent de présenter les critiques du capitalisme et de son rôle dans les conflits sociaux actuels comme étant en phase avec des efforts visant à renverser le capitalisme ou à accélérer sa disparition, et par là, établissent un lien entre ces critiques et des individus violents. Comme la plupart des personnes qui reconnaissent l'effondrement inévitable ou en cours des sociétés modernes, je ne fais que relater cet effondrement et explorer ce qu'il faut faire à ce sujet, sans chercher ni à renverser quoi que ce soit, ni à accélérer la disparition de ces sociétés. Ce que ces organisations ont bien saisi, évidemment, c'est qu'en reconnaissant la réalité d'aujourd'hui, loin de tomber dans la dépression et l'apathie, comme le prétend l'autre récit courant qui vilipende nos conclusions, on se radicalise. Ce qu'elles ignorent volontairement, c'est que cette radicalisation peut conduire les gens à des modes de vie effondristes plus créatifs et plus engagés, et, espérons-le, à l'écolibertarisme. Chapitre 12. Là où ces organisations et les bureaucrates et politiciens-politiciennes opportunistes qui se saisissent de leur programme débile se fourvoient largement, c'est qu'elles ne reconnaissent pas la nécessité d'une discussion ouverte au sein de la société pour aider les jeunes à trouver des moyens de surmonter leurs émotions difficiles quand ils et elles sont témoins de l'état du monde. En cachant et en diabolisant les personnes, les réseaux et les ressources qui pourraient contribuer à ce processus, elles augmentent la probabilité de problèmes de santé mentale et d'actions violentes. N'importe quel psychologue ou personne sensée le leur dirait. Mais leur souci de se faire de l'argent sur le dos d'une élite paniquée continue à les rendre aveugles à la réalité. Malheureusement, leur peur, leur cupidité et leur idiotie nous affecteront toutes et tous. En effet, les plateformes technologiques états-uniennes dominent la sphère publique dans les pays du monde entier, et les efforts du complexe industriel de la censure au service des intérêts des multinationales états-uniennes seront donc d'échelle mondiale. Cela devrait être inacceptable pour tout et toute patriote, épris et prise de liberté dans n'importe quel pays. Mais malgré les grands discours, vous n'en verrez pas beaucoup au sein de votre propre gouvernement. Vous trouverez plutôt de nombreux pantins d'entreprises qui perçoivent l'opportunité de sembler patriotiques en diabolisant leurs concitoyens, concitoyennes, qui les critiquent, eux et les systèmes de pouvoir qu'ils représentent. En tant qu'éco-libertaires, nous pouvons au moins attirer l'attention du public sur cette sombre situation. L'absence de réponse politique cohérente à cette perte de souveraineté dans le monde est révélatrice du glissement généralisé vers une ère de techno-féodalisme, c'est-à-dire d'un capitalisme de surveillance, menaçant de se soumettre totalement aux entreprises de la tech états-unienne. Pour l'instant, on me laisse écrire cette phrase sur un logiciel appartenant à une société états-unienne, l'envoyer par courrier électronique à mes éditeurs et éditrices par l'intermédiaire d'une autre société états-unienne et la porter jusqu'à vous par l'intermédiaire d'une autre société états-unienne encore. Mais c'est parce que vous et moi ne sommes pas assez menaçants, menaçantes pour leurs intérêts. Notre visibilité peut tout simplement être filtrée. Si nous devenons plus préoccupants et préoccupantes, l'une des 6 entreprises ou plus qui participent au traitement de nos paiements électroniques pourrait nous bloquer, comme elle l'a déjà fait avec des personnes et des organisations considérées comme menaçant l'hégémonie états-unienne. Je ne les citerai pas nommément, car elles ont été diabolisées de telle sorte que nous ne nous soucions pas de leurs droits humains. L'authentification à 2 facteurs étant de plus en plus répandue, des systèmes d'identification numérique permettant d'isoler et d'éjecter des personnes de la vie normale sont déjà en place. Les personnes animant des médias indépendants préfèrent promouvoir l'idée que leurs spectateurs, spectatrices sont encore libres, plutôt que d'être simplement non menaçants, menaçantes pour le pouvoir actuel, avec leurs idées politiques et leur perméabilité au porno complotiste. Nous y reviendrons plus loin. En tant qu'effondristes et éco-libertaires, nous pouvons donc chercher des alternatives aux infrastructures techno-féodales, tout en expliquant que cela fait partie de notre réponse à notre perte de souveraineté personnelle et nationale au profit des plateformes technologiques mondiales. Malgré le déclin du soutien de l'opinion publique à l'action environnementale, du fait des politiques erronées et intéressées des élites, certaines leaders écologistes ont poursuivi leur travail idéologique. Ils et elles le font en diabolisant les manifestants-manifestantes, sapant ainsi notre capacité à nous organiser contre le problème systémique du pouvoir des entreprises à l'origine de la myriade de problèmes qui nous affligent. Les exemples les plus évidents sont les mensonges répandus sur les critiques des politiques relatives au Covid, à l'agriculture et à la guerre. Ces mensonges consistent notamment à dire que les manifestants-manifestantes sont toutes et tous racistes, d'extrême droite, qu'ils et elles travaillent pour une puissance étrangère ou qu'ils et elles sont dupés par de telles personnes. Par conséquent, les personnes qui protestent contre un certain problème ne se rendent pas compte que leur vision des manifestants-manifestantes sur d'autres questions a été influencée négativement par les médias et qu'elles ne s'associent donc pas dans leur lutte commune contre les pouvoirs des entreprises, ce qui les rend inefficaces. Certains commentateurs et certaines commentatrices vont même jusqu'à qualifier de fascistes des manifestants-manifestantes pacifiques qui protestent contre les excès de pouvoir des entreprises ou de l'État. Il s'agit d'une accusation quelque peu étrange, étant donné que le fascisme décrit l'approche politique qui invite à la haine publique envers toute personne critiquant les mesures politiques édictées par un amalgame de pouvoirs étatiques et privés. Il existe une longue tradition de diabolisation d'autrui en l'accusant de faire ce que soi-même on fait ou prévoit de faire. C'est pourquoi certaines d'entre nous commencent à s'inquiéter de voir des commentateurs et commentatrices écologistes de premier plan décrivant toute personne avec laquelle ils et elles ne sont pas d'accord, comme succombant au fascisme. En tant qu'éco-libertaires, nous pouvons répondre à cela en faisant preuve de vigilance et de sagesse critique. Lorsqu'un portrait négatif de manifestants, manifestantes est dépeint dans les médias, ou au cours de réunions et autres occasions sociales, nous pouvons demander sur quelles preuves reposent ces opinions et quels sont les intérêts potentiellement menacés par le mouvement en question. L'un des aspects du travail idéologique effectué pour lever les objections à l'autoritarisme en général, et probablement à l'éco-autoritarisme en particulier, consiste à recadrer ce qu'on entend par liberté. Il est probable que les tentatives de nous faire abandonner notre engagement moral en faveur de la liberté personnelle seront d'une importance cruciale en ce qui concerne l'avenir de l'éco-autoritarisme. Ce recadrage néfaste est mis à l'essai lorsqu'on nous dit que nous n'avons plus le droit à notre liberté. Mais notre liberté ne devrait jamais être limitée que par des moyens sur lesquels nous pouvons nous-mêmes, et la collectivité dans son ensemble, exercer un contrôle démocratique, pour le cas où nous aurions un impact négatif sur autrui. Le même recadrage survient lorsqu'on nous dit que notre liberté dépend de la justesse de nos intentions et des effets de nos actions, et que cette justesse est déterminée par une autorité non spécifiée. Le fait de recadrer la liberté pour en faire un privilège qui nous est offert si nous avons les bonnes opinions est quelque chose que tous les écolibertaires devraient rejeter. La raison devrait en être évidente. Nous connaissons collectivement, depuis plusieurs années, une manipulation de nos inquiétudes par les grandes entreprises afin que nous nous contrôlions toutes et tous mutuellement avec des sentiments moraux délétères et mal informés. Le type de résistance écolibertaire à l'autoritarisme que j'ai décrit dans ce chapitre n'est pas une situation confortable. Au contraire, il est beaucoup plus facile pour les personnes soucieuses de l'environnement de répondre à une inquiétude concernant la montée du fascisme en cette ère d'effondrement en blâmant les plus faibles, au lieu des puissants puissantes. C'est ce qui se passe lorsqu'elles identifient la montée de ce qu'elles considèrent comme des sentiments nativistes ou traditionnalistes dans les réseaux environnementaux ou dans les groupes de préparation à l'effondrement et considèrent que cela constitue le risque principal pour nos valeurs universelles. Les opinions racistes et les incitations à la violence doivent être à la fois évitées et contestées, et nous devons rester vigilants et vigilantes face à nos propres préjugés et à notre sectarisme. Cependant, il est incohérent et bien commode de critiquer des groupes hétéroclites émergents au niveau local et composés de personnes disposant de peu ou pas de pouvoir, en les présentant comme les principales sources potentielles de mouvements écofascistes. En condamnant ainsi les plus faibles, on oublie que ce risque provient avant tout du fascisme financier mondial tel qu'il existe déjà, chapitre 10, allié avec le capitalisme de surveillance et les programmes des élites environnementales. En tant qu'effondristes et écolibertaires, nous pouvons concrétiser notre engagement en faveur des valeurs universelles, non seulement en nous efforçant de combattre le racisme au quotidien, mais aussi en concentrant notre action politique sur les structures et les agents de la modernité impériale, qui non seulement nous oppriment toutes et tous, mais désavantagent généralement certaines identités plus que d'autres. Éviter les distractions. J'ai eu du mal à rédiger la partie précédente. Suite à mes recherches sur ce qui pourrait se passer avec la montée de l'autoritarisme, l'alignement de telles mesures sur un programme vert élitiste et la diabolisation de personnes comme moi par l'ensemble de l'appareil des États-nations et des entreprises mondiales, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis rendu compte que je craignais autant un avenir Major Max de généraux autoritaires qu'un avenir Mad Max. Il s'agit d'une dystopie où nombre de nos amis et collègues sont, d'une fois de plus, manipulés par de fausses informations et un faux discours moral pour soutenir un programme politique abusif qui ne résout pas les problèmes tout en criminalisant les personnes qui s'en préoccupent vraiment. Chacun, chacune d'entre nous devra s'interroger sur ses propres capacités à résister aux réactions négatives des autorités en cette période d'effondrement. Je soutiens que le fait de ne plus prêter attention à ces réactions pendant que nous poursuivons nos façons créatives et effondristes d'être au monde ne nous protégera pas de leurs conséquences néfastes. Si vous avez gardé le silence lors de la diabolisation et de la censure de certaines scientifiques au cours des premières années du Covid, je vous prie de réfléchir maintenant à la façon dont vous souhaitez réagir si vous percevez des schémas similaires à l'avenir. Face à toutes ces nouvelles difficiles qui s'inscrivent dans le contexte plus large de la désolidarisation des sociétés que j'ai décrit au chapitre 7, il est compréhensible que beaucoup d'entre nous cherchent des moyens plus faciles de réagir que ceux que j'ai décrits dans le chapitre précédent. C'est la raison pour laquelle on assiste à une montée des politiques de la nostalgie par lesquelles certaines souhaitent pouvoir remonter dans le temps. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on assiste à une recrudescence des débats sur les politiques identitaires qui permettent aux gens de débattre de leurs valeurs et de diriger leurs émotions vers des adversaires auxquels ils se sentent supérieurs. Le programme qui en résulte, loin de limiter le pouvoir des élites, crée de la division parmi nous, les personnes ordinaires. Si nous ne réalisons pas comment nous sommes montés les uns les unes contre les autres, du fait des récits fournis par les institutions dominantes, nous avons moins de chances de mener une action collective utile. L'une des réponses les plus récentes à notre situation difficile de la part de certaines factions consiste à se concentrer entièrement sur les mauvaises politiques mises en œuvre par des élites hypocrites. Ces dernières sont aujourd'hui largement décrites comme des « mondialistes » entre guillemets, qui travaillent ensemble à une « grande réinitialisation » entre guillemets, des économies et des sociétés, au cours de laquelle nos libertés et nos moyens de subsistance seront supprimés par des moyens de surveillance et de contrôle. Vous aurez compris à la lecture de ce livre que je m'oppose à la vision du Forum économique mondial qui cherche à nous offrir ce type d'avenir. Je pense que nous en sommes bien plus proches que ces détracteurs et détractrices ne le pensent lorsqu'ils et elles se concentrent sur des sujets tels que les monnaies numériques des banques centrales, MNBC. En effet, la plupart des capacités de contrôle autoritaire sont déjà en place sans les MNBC du fait de notre dépendance actuelle à l'égard des paiements électroniques qui sont surveillés et peuvent être bloqués, comme je l'ai décrit au chapitre 10. En théorie, si les politiciens et politiciennes rendaient des comptes devant leur électorat, ils et elles pourraient prendre le contrôle des banques centrales et s'assurer que toute monnaie numérique émise par l'État soit conçue pour permettre aux citoyens et citoyennes d'effectuer des transactions électroniques sans être surveillés. Et pour éviter qu'on limite le genre d'achat que nous pouvons effectuer, qu'on puisse nous couper du réseau, que ces systèmes soient intégrés à un système de réputation de type crédit social ou que les soldes soient si élevés qu'ils menacent l'existence d'autres fournisseurs de services bancaires et de paiement. Ces questions devraient être tranchées par le public. Pour être cohérents et cohérentes, nous devrions également chercher à faire passer des législations empêchant l'utilisation abusive des systèmes de paiement électronique actuels, ce qui rejoint les inquiétudes des détracteurs-détractrices des MNBC. Le fait d'avoir été nommé jeune leader mondial par le Forum économique mondial en 2012 m'a permis d'assister à Davos et à d'autres sommets de haut niveau pendant quelques années. Cela m'a aidé à comprendre qu'il n'y a ni sauveur, ni sauveuse, ni cabale, juste des systèmes exécrables qui encouragent les pires aspects de l'humanité. J'avais naïvement pensé que les personnes ayant la richesse, le succès ou l'expérience nécessaires pour se rendre à Davos n'étaient pas des adeptes de l'ascension sociale ou des personnes se divertissant les unes les autres avec leurs histoires délirantes de progrès sociétaux. Mais ce que j'ai découvert, ce sont des gens qui ne semblaient pas avoir la sagesse de travailler sur autre chose que des coalitions d'intérêts et d'enrichissement personnel à court terme. Par conséquent, si le Forum économique mondial n'existait pas, les mêmes schémas d'abus de pouvoir que ceux que j'ai décrits ici et au chapitre 10 se poursuivraient sans difficulté. Comme je l'ai expliqué dans ce chapitre, les mesures politiques qui rendent possible l'autoritarisme doivent être critiquées et l'on doit y résister. Cependant, se concentrer sur la critique d'un ensemble imaginaire de personnes malfaisantes tout en ignorant les problèmes réels auxquels nous sommes confrontés, peut devenir une forme de déni et d'évitement expérientiel. C'est comme si quelqu'un lisait un article sur l'absence de preuves solides de l'efficacité de la chimiothérapie contre le cancer des os, et choisissait ensuite, dans le cadre d'un débat sur les problèmes des sociétés pharmaceutiques, de soutenir que le cancer des os n'existe même pas. Nous pourrions plutôt réfléchir à la manière de mieux aider les personnes atteintes de cette forme de cancer, que ce soit pour les guérir ou leur prodiguer des soins palliatifs. En effet, se plaindre des personnes qui pourraient tirer profit d'un problème ne supprime pas ce problème. Malheureusement, de plus en plus de celles et ceux qui jusqu'ici se contentaient de se plaindre du changement climatique choisissent désormais de nier le problème lui-même, car cela participe de leur rébellion compréhensible contre une surveillance et un contrôle accru. Cela peut aider à expliquer comment nous en sommes arrivés à cette confusion de récits. En 1987, les gouvernements du monde ont adopté une résolution commune affirmant que le réchauffement climatique était influencé par l'humanité et qu'il deviendrait un problème. Si les mondialistes étaient si puissants et puissantes, pourquoi leur a-t-il fallu attendre 2022 pour commencer à mettre en œuvre leur programme de contrôle climatique dans des endroits comme les bourgades de Grande-Bretagne? Une telle incompétence signifierait que nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais ces mondialistes n'étaient pas incompétents et incompétentes. Ils et elles ont passé tout ce temps à conquérir le monde après la guerre froide. Ce sont ces personnes qui ont imposé la déréglementation, la privatisation, l'austérité, les prises de contrôle et les guerres qui ont tué des millions de personnes, rasé des forêts, pollué les eaux, endommagé l'atmosphère et anéanti des cultures entières. Chapitre 10. Les vrais anti-mondialistes les ont défiés systématiquement. En 2001, j'étais à leur côté dans les rues de Gênes. Ce n'était pas beau à voir. Mais la plupart des membres des classes moyennes occidentales appréciaient les t-shirts et les téléviseurs bon marché que cette emprise mondiale leur a apportés. J'étais moi aussi dans ce cas, et j'admets que c'était bien plus joli. Nouvellement dotés du pouvoir de l'Internet, leur permettant de suivre nos moindres mouvements et de manipuler nos moindres pensées, les mondialistes ne se sont réveillés que récemment pour constater les ravages qu'ils et elles ont fait subir à notre planète. Les élites que j'ai rencontrées, ces gens que l'on appelle aujourd'hui mondialistes, estiment que les problèmes du monde ne sont pas imputables à des personnes comme elles, ou qu'ils ne proviennent pas des systèmes dont elles bénéficient. C'est pourquoi elles candidatent à des postes de premier plan dans des projets tels que la Commission sur le dépassement climatique. Peut-être ne se rendent-elles pas compte que ce sont des élites, tout comme elles, dans le secteur pétrolier, qui ont dépensé des millions pour empêcher le monde de faire quoi que ce soit d'important face à la prise de conscience mondiale de la menace du changement climatique en 1987. En effet, agir en conséquence aurait signifié stopper net la mondialisation économique. Plus récemment, ces mêmes intérêts pétroliers ont financé des opérations psychologiques visant à créer un mouvement populaire s'opposant à tout effort de décarbonation des sociétés. Peut-être que les mondialistes ne s'en inquiètent pas tant, puisqu'ils et elles ont dépensé leurs propres millions pour laver le cerveau des politiciens-politiciennes et les corrompre, afin que des milliards soient investis dans leurs entreprises d'énergie alternative et leurs machines inutiles de capture du carbone. Ces différentes factions capitalistes promeuvent ainsi à leurs propres fins différents récits au sein de la société. Le dommage collatéral est que nous nous retrouvons avec des débats de plus en plus stupides sur les problèmes environnementaux insolubles de notre temps. D'un côté, les écologistes modernes promeuvent une histoire technosalvatrice élaborée pour elles et eux par les capitalistes du climat, tandis que de l'autre côté, les négationnistes du climat croient à une histoire paranoïaque élaborée pour elles et eux par les capitalistes des combustibles fossiles. On peut alors ajouter à ce mélange une bonne dose de porno complotiste, afin de confondre et de délégitimer complètement tout mouvement potentiel contre les institutions dominantes. Tant que toutes et toutes celles et ceux dotés d'un pouvoir de conscience sociale s'attaquent mutuellement ou condamnent les personnes moins avantagées, les fonctionnaires de ces institutions ne sont aucunement dérangés. Au fur et à mesure que les gens font l'expérience de la pléthore de difficultés et de perturbations affectant la société, les personnes des classes moyennes supérieures et éduquées qui s'expriment publiquement sur les affaires courantes sont de plus en plus nombreuses à en parler. D'une part, cela est prometteur, pour autant qu'on s'autorise à discuter de la réalité en public et dans un cadre professionnel. Mais d'autre part, cela ouvre également la voie à la déradicalisation de la question de l'effondrement. L'histoire du changement social est marquée par l'intégration limitée des préoccupations publiques dans l'ordre établi, qu'il s'agisse des droits du travail, des droits civils ou de l'environnement. Au cours de ce processus, des progrès sont réalisés, mais les idées et les personnes les plus ambitieuses se retrouvent marginalisées. Ce processus est déjà en cours dans le domaine de la recherche et du dialogue sur l'effondrement, et pas seulement par le choix de parler plutôt de « permacrise » entre guillemets, ou d'autres termes, ce qui permet aux institutions dominantes de continuer à être respectées. L'inconvénient est que cela nous prive de la possibilité de tout réévaluer et de trouver de nouvelles façons de vivre et de nous effondrer, ensemble. Au cœur de ce processus de déradicalisation, il y a le déni implicatif des personnes qui prétendent travailler sur différents aspects des perturbations et de l'effondrement de la société. Il s'agit d'une forme de déni qui consiste à reconnaître certains aspects de la réalité sans pour autant modifier nos idées, notre identité, notre vision du monde ou, ce qui est essentiel, la manière dont nous gagnons notre vie grâce aux systèmes qui sont à l'origine du problème. C'est ainsi que j'ai vécu pendant des années. Parce qu'il s'agit d'un processus social inévitable, je ne souhaite pas blâmer les individus qui pourraient sortir de leur déni à tout moment. Par conséquent, je ne fournirai pas d'exemple pour les formes suivantes de déni implicatif dont j'ai été témoin au cours des 2 années de la rédaction de ce livre. La section qui suit s'adresse à un lectorat assez spécifique. Vous pouvez donc passer directement à la conclusion si vous n'êtes pas intéressé par l'auto-illusion dans laquelle se maintiennent ces occidentaux occidentales de la classe moyenne, cadres ou membres des professions intellectuelles supérieures, qui nous affirment prendre au sérieux le risque d'effondrement ou la préparation à l'effondrement. Évitez la dilution. Au sein du monde universitaire, certains chercheurs et certaines chercheuses admettent la plausibilité d'anticiper l'effondrement de la société, mais ignorent ce qui, dans la sphère intellectuelle dominante, fait que d'autres chercheurs et chercheuses, ayant conclu cela il y a des années, ont été ignorés ou si gravement dénigrés. Cela signifie qu'ils et elles peuvent ignorer les idées de ces précurseurs et précurseuses quand elles les dérangent, afin de mieux se concentrer sur la manière d'élaborer leurs projets de recherche, généreusement financés, sur différents aspects de l'effondrement de la société. Ces personnes gagneraient à identifier et à éviter les différents facteurs qui produisent le conservatisme intellectuel, et à dialoguer avec les chercheurs-chercheuses les plus avancés, afin de découvrir ce qu'ils et elles ont appris en travaillant sur les questions d'effondrement pendant des années. Lorsque la recherche rencontre le monde des groupes de réflexion et des organisations non gouvernementales, il devient encore plus facile de tomber dans le déni implicatif. Celles et ceux qui travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements occidentaux cherchent manifestement à produire des stratégies favorables aux institutions dominantes en matière d'effondrement. Par exemple, lorsqu'ils et elles évoquent les échecs du multilatéralisme en matière de protection de l'environnement, ils et elles négligent le succès, entre guillemets, qu'a rencontré le multilatéralisme dans la création des modèles destructeurs de la mondialisation économique qui sont à l'origine de la crise actuelle. Ils et elles mentionnent l'histoire difficile du colonialisme, mais mettent ensuite en garde contre les risques perçus de « démondialisation », entre guillemets, et de protectionnisme, entre guillemets. émergeant à l'ère de la crise systémique, entre guillemets. S'il en allait autrement et qu'on favorisait une prise de conscience plus large du chaos climatique, cela pourrait mener un grand nombre de pays, se fournissant les ressources et la main-d'œuvre bon marché qui rendent possible le niveau de vie des pays et des villes plus riches, à former des alliances pour modifier les termes de l'échange. Mais plaider pour un renouveau de l'anti-impérialisme ne serait pas bien vu dans les couloirs du pouvoir. C'est pourquoi un déni implicatif et égoïste se maintient dans les groupes de réflexion élitistes. Dans les groupes de réflexion et les ONG moins explicitement au service des institutions dominantes, il existe aussi un schéma narratif selon lequel on pointe du doigt un élément susceptible de remettre en cause l'ordre établi, puis on en ignore commodément les implications. Il s'agit par exemple d'affirmer que les sociétés sont devenues instables en raison des systèmes politico-économiques actuels, mais de plaider ensuite pour des réponses qui mettent en œuvre les mêmes valeurs et s'appuient sur les mêmes hiérarchies. Au lieu de cela, on peut décider de rejeter l'ordre actuel parce qu'il est à l'origine de la méta-catastrophe, entre guillemets, et de porter son attention vers des formes de mobilisation populaire et des classes laborieuses dans divers pays. Une variante de ce modèle de déni consiste à mentionner que la situation actuelle remet en question tous les aspects des sociétés modernes, puis à désigner les classes moyennes supérieures et éduquées comme les agents qui doivent façonner l'avenir. Au contraire, une introspection plus profonde, centrée sur nos présupposés, nos valeurs, notre vision du monde et notre identité, peut nous conduire à sortir de notre zone de confort et ainsi à nous rendre plus utiles. En effet, alors que de nombreuses personnes travaillant avec des ONG occidentales ne cessent de répéter que nous devons changer le récit et les valeurs des sociétés modernes, elles continuent de s'accrocher à l'idéologie du progrès, tout en abandonnant discrètement les valeurs associées à la liberté personnelle. Elles pourraient plutôt se rendre compte que l'idéologie du progrès et les récits qui l'accompagnent sur l'importance de l'espoir, de la positivité, de l'accomplissement personnel et de l'éthique conséquentialiste ont joué un rôle clé dans la manière dont on a pu ignorer ou minimiser différentes formes d'oppression et de destruction tout au long de notre vie. Elle pourrait comprendre que les systèmes qui ont manipulé toutes nos expériences de soi et de la société sont ceux dont nous pouvons nous libérer pour revenir à un état naturel qui nous engourdit moins sur le plan émotionnel. Un état moins contrôlant et moins destructeur. Dans le monde du plaidoyer et de l'activisme sur l'état de la planète et de la société, il existe une autre gamme de schémas de déni implicatif. Certaines militantes et certains militants admettent que le changement climatique est un phénomène qui est pire et plus rapide que prévu, mais minimisent ensuite les analyses scientifiques les plus inquiétantes et citent des raisons d'espérer qui sont scientifiquement douteuses, voire illogiques. Il faudrait plutôt s'attacher à expliquer que la situation est désormais si grave qu'elle pourrait échapper au contrôle humain et mettre en avant la nécessité de nous demander en quoi nous croyons et quelles valeurs nous voulons défendre dans ce contexte de plus en plus précaire et incertain. Lorsque les militantes et militants mentionnent la probabilité de dommages catastrophiques dans le monde au cours des prochaines décennies, mais concentrent ensuite tout leur activisme sur la réduction des émissions, il s'agit là d'un autre exemple de déni implicatif. Au lieu de cela, les activistes pourraient accorder une attention beaucoup plus honnête aux impacts qui nous attendent et à la manière de les réduire. Un autre exemple de déni implicatif, oui, c'est une vraie pandémie, est celui des militants et militantes qui critiquent les échecs de l'incrémentalisme et des tentatives passées de réforme du capitalisme, mais qui cherchent ensuite à obtenir davantage d'efforts volontaires de la part du secteur privé. Une variante de ce schéma consiste à reconnaître que notre situation sociétale est bien plus qu'un problème environnemental, mais à ignorer pourtant les fondements du capitalisme tels que le droit des sociétés et les systèmes monétaires. Pour y remédier, Davantage d'efforts pourraient être orientés vers la mobilisation d'alternatives populaires qui ne dépendent pas des entreprises ou des financements des riches et qui visent explicitement à la réappropriation de notre pouvoir contre les manipulations et les appropriations de la modernité impériale. Le militantisme pourrait donc se recentrer sur les efforts de régénération de la nature, une révolution agroécologique dans l'agriculture, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, une redistribution économique majeure et une réforme monétaire, parmi d'autres interventions utiles. En donnant ces exemples, je parle surtout des personnes qui travaillent sur les questions liées à l'effondrement en Occident. En général, toutes ces personnes, moi y compris, dans quelque secteur de la société que ce soit, ont fait montre d'un certain type de déni implicatif. Ce déni nous a poussé à voir la situation mondiale comme devant faire l'objet d'une meilleure gestion de la part du pouvoir en place, plutôt que de délégitimer complètement ce pouvoir. Ce déni a également une dimension régionale et culturelle. En effet, nous reconnaissons l'impact disproportionné, passé comme présent, des sociétés occidentales sur la situation actuelle. Et pourtant, nous priorisons l'action de ces mêmes pays et de leurs dirigeants dirigeantes pour façonner l'avenir. Au contraire, on pourrait considérer que le lieu d'une action internationale légitime et significative sur l'avenir de l'humanité proviendra de réseaux de citoyens-citoyennes du monde majoritaire. C'est particulièrement évident lorsque nous examinons l'agenda de la décroissance, qui exigerait des sociétés plus riches qu'elles réduisent leur consommation des ressources mondiales, comme je vais maintenant l'expliquer brièvement. Un pourcentage infime de personnes dans les pays riches est conscient de l'importance de réduire globalement leur niveau de consommation, et de le faire de manière substantielle et continue. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, aucun des principaux partis politiques ne plaide en faveur de la décroissance. Aucun pays n'est susceptible d'élire un gouvernement qui réduira la consommation de ses ressources. Ainsi, la douloureuse vérité à laquelle doivent se confronter tous les éloquents partisans et toutes les éloquentes partisanes de la décroissance en Occident est que même si leur vente de livres augmente, et avec elle leur visibilité sur les médias sociaux, aucune décroissance volontaire du monde riche ne sera jamais possible. Au contraire, celle-ci devra être imposée aux pays les plus riches, à leurs villes les plus riches et à leurs élites, par une renaissance de l'anti-impérialisme et du protectionnisme dans l'ensemble du monde majoritaire, entraînant une réduction des exportations vers ces régions plus riches, entre guillemets. Ce que cela implique, pour celles et ceux d'entre nous qui veulent que leur activisme produise des résultats à grande échelle, tout en travaillant à partir de la base selon des méthodes démocratiques, est que nous devons déplacer notre attention vers le monde majoritaire. Ma collègue et participante à l'initiative Scholars Warning, Stella Nyambura Mbau, estime qu'une reconnaissance politique de l'anti-impérialisme pourrait résulter d'une plus grande prise de conscience parmi les populations du Sud de la façon dont elles souffrent davantage du changement climatique et des raisons pour lesquelles elles en souffrent. L'initiative Scholars Warning, c'est-à-dire l'alerte des universitaires, à laquelle a étroitement participé Jem Bendel, vise à rassembler les voix d'universitaires alertant leur société sur les risques d'effondrement. Par exemple, selon elle, les habitants et habitantes des zones rurales du Kenya ont peu de connaissances sur ce phénomène. De ce fait, ils et elles ne comprennent pas comment les comportements des citadins et citadines les plus riches, partout dans le monde, ont entraîné des émissions de carbone et détruit les puits de carbone existants, à la fois directement et par l'influence exercée par ces classes sociales sur les sociétés. Une fois que les Kenyans ruraux et les Kenyanes rurales seront mieux informés, cela pourrait influencer leur conscience politique ainsi que la vie politique au Kenya. Des processus similaires pourraient avoir lieu dans une grande partie du reste du monde majoritaire et conduire à une attitude différente à l'égard de la mondialisation économique. Les répercussions politiques potentielles d'une telle prise de conscience des causes de leur souffrance de la part de ces populations restent à déterminer. Mais d'un point de vue écolibertaire, l'essentiel est que les gens sachent et décident en connaissance de cause. Toute hésitation à l'égard d'un tel programme, de la part de professionnels dont le chèque de paye provient d'institutions financées par les systèmes oppressifs actuels, mettrait en évidence à la fois le problème et la solution. Tout d'abord, une grande réappropriation doit s'enraciner dans le monde majoritaire et émerger de multiples façons déterminées au sein de ce monde, et non se trouver guidée par des groupes de réflexion à Londres ou des fondations à New York. Deuxièmement, pour celles et ceux d'entre nous qui sont économiquement et psychologiquement liés à la modernité impériale, et qui manifestons les types de déni implicatif que j'ai décrits plus haut, nous devons chercher à récupérer nos propres moyens de subsistance autant que possible, afin d'éviter de nous engager sur cette question si cruciale pour notre époque, d'une manière déradicalisante. Nous revenons donc au Mahatma Gandhi et à la nécessité du Swadeshi, autosuffisance, si nous voulons avoir un Swaraj, autonomie. Comme moi, la quasi-totalité d'entre vous qui lisez ce livre est tributaire de la modernité impériale. Vous avez besoin que votre supermarché reste bien approvisionné, avec des produits qui vous parviennent du fait de conditions commerciales injustes. C'est comme si nous étions dans une relation de codépendance avec l'Empire. Il nous haït et nous maltraite, et nous en venons à le haïr et à le maltraiter. Il est donc temps de rompre avec lui. Dans mon cas, j'ai changé de pays, j'ai trouvé une maison simple et quelques terres à louer, et j'ai démarré une ferme biologique. Mais il existe de nombreuses façons de mettre fin à une relation. Vous devez trouver la vôtre. La base d'un bon dialogue politique. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais que ce dernier chapitre contiendrait mes idées sur la politique à mener à une époque d'effondrement. J'aurais pu m'inspirer de ce que j'avais déjà écrit dans ma série d'articles de blog sur « une véritable révolution verte », entre guillemets, dans laquelle j'ai abordé une série de sujets tels que l'énergie nucléaire, la géo-ingénierie, la réforme monétaire ou encore l'euthanasie volontaire. Cependant, au cours de ces 2 années de rédaction, j'ai été témoin de changements dans la société, à l'échelle mondiale, qui m'ont aidé à comprendre que ce qui compte, c'est surtout la manière dont le public et les professionnels explorent les situations et les politiques potentielles. En effet, nous connaissons désormais un revirement autoritaire dans le monde entier. De ce fait, les professionnels au service du pouvoir en place disposent désormais de moyens beaucoup plus importants pour dissimuler, diaboliser et punir les opinions qui vont à l'encontre de ce pouvoir ou qui le défient. Du fait de sa mainmise sur les médias de masse et les plateformes de réseaux sociaux, ce pouvoir dominant, en particulier aux États-Unis, a produit une bifurcation des récits sur presque toutes les questions en 2 formes qui ne le menacent jamais. D'une part, nous sommes incités à trouver un sentiment de sécurité et de bonne conscience par notre accord avec un discours orthodoxe sur une question donnée, qu'il s'agisse du Covid, de la guerre ou de l'environnement. Il est aisé de réaliser que ces récits proviennent du pouvoir en place puisqu'ils apparaissent dans les médias traditionnels. Ces récits ne s'attaquent pas aux problèmes et en causent d'autres, tout en enrichissant les puissants et puissantes. D'autre part, nous sommes ainsi incités, pour une partie d'entre nous, à ressentir de la colère et un sentiment de supériorité morale en étant d'accord avec du porno complotiste sur le Covid, la guerre ou l'environnement. Ces récits sont diffusés par des médias alternatifs, ce qui fait qu'on échoue à percevoir qu'ils émanent également du pouvoir établi. Le porno complotiste ne fournit pas de critiques systémiques, détourne l'attention des fautes avérées et contribue à délégitimer, par association, les critiques véridiques du pouvoir en place. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle les critiques éthiques, logiques et bien étayées du comportement du pouvoir dominant sur le Covid, la guerre ou l'environnement continueront à être submergées par le porno complotiste. Le point de vue éco-libertaire sur cette situation est que nous devons trouver des moyens de nous aider les uns les autres à récupérer l'appareil dont disposent nos sociétés pour le partage de l'information et le développement de la compréhension. J'ai expliqué dans ce chapitre que pour que cette réappropriation s'opère, nous devons cultiver et entretenir notre sagesse critique, varier notre alimentation médiatique, côtoyer des personnes de différents horizons et réduire notre dépendance à l'égard des systèmes des sociétés modernes pour satisfaire nos moindres besoins et désirs. Ce processus implique notamment de s'ouvrir à l'incertitude et de ne pas s'accrocher aux idées et aux actions qui semblent soulager nos émotions difficiles. C'est ce que les bouddhistes appellent l'équanimité. Bayo Akomo l'a fait, l'a bien exprimé lorsqu'il a déclaré, lors de la conférence sur l'effondrement qui s'est tenue au Danemark, que cette époque nous invite à, je cite, « nous rendre suffisamment humbles pour tomber au contact de la terre et écouter différemment, écouter nos ancêtres, écouter le monde qui nous entoure et que nous avons désensibilisé et étouffé en tant que ressource, entre guillemets, dans nos tentatives de progresser au-delà de la planète. Nous devrons nous asseoir avec l'échec, nous devrons nous asseoir dans les fissures et écouter profondément. » Fin de citation. Mais ne restons pas coincés dans ces fissures et faisons plutôt l'expérience de parler depuis ces lieux, comme le fait Bayo. Cela signifie qu'il faut prendre le risque d'être humilié lorsque l'on s'exprime et apprendre des retours qu'on nous offre pour savoir ce qui fonctionne ou non. Nous pouvons non seulement faire des expériences dans ce sens, physiquement, avec un plus grand nombre de personnes, nous pouvons aussi revenir à l'ancienne technologie du courrier électronique et décider avec qui nous voulons dialoguer et pourquoi. Compter sur les réseaux sociaux pour se faire entendre est devenu illusoire. Ce domaine de notre sphère publique nous manipule désormais pour servir le pouvoir. C'est désormais un fait avéré et non de la paranoïa. Au lieu de cela, nous pouvons décider avec qui nous voulons vraiment nous entretenir et pourquoi, et le leur dire, puis joindre des informations telles que la version électronique de ce livre et leur demander d'avoir une conversation de vive voix à ce sujet. À partir de ce processus, nous pouvons commencer à développer de nouveaux réseaux d'experts et expertes et de compétences pour élaborer des points de vue sur toutes sortes de questions politiques aux échelles locales, nationales et internationales. Il est essentiel que nous veillions à limiter le pouvoir des entreprises et des élites dans ces réseaux. De toute évidence, comme je l'ai décrit dans ce chapitre, une grande partie du travail politique devra consister à résister aux abus et aux manipulations du pouvoir en place. Cependant, une fois que nous aurons développé davantage d'idées politiques propres, comment les mettre en œuvre? Pour certains et certaines, il s'agit de savoir comment accéder au pouvoir au sein des institutions gouvernementales. C'est ici que je m'écarte des conceptions de plus en plus révolutionnaires de certains défenseurs et certaines défenseuses de l'environnement. De mon expérience de la politique au Royaume-Uni, j'ai tiré la conviction que le gouvernement ne peut pas être un vecteur de transformation positive, où que ce soit, tant qu'on demeure en présence de systèmes économiques et politiques tels que ceux qui dominent actuellement. Mais à mesure que progressera l'effondrement de la société, de nouvelles opportunités s'offriront aux groupes de personnes qui sont bien préparées à prendre les devants et à proposer de nouveaux modes d'organisation des personnes et des ressources. L'histoire récente nous montre comment cela peut se produire, par exemple avec l'effondrement du pouvoir de l'État syrien qui a permis aux Kurdes d'organiser leur propre territoire autonome de Rojava, guidé par les idées écolibertaires d'Abdullah Öcalan. Cela signifie que nous pouvons continuer à développer et à partager des idées et la philosophie qui les nourrit, afin qu'elles puissent être adoptées par les gens au bon moment, lorsque les circonstances le permettent. Cela signifie également qu'il faut concrétiser certaines de ces idées dans des domaines que nous contrôlons déjà, par le biais du type d'initiative de planification par la base que j'ai décrite dans le chapitre précédent. Par conséquent, une grande réappropriation de nos vies, par laquelle nous nous libérerions des récupérations et des manipulations de la modernité impériale, peut être mise en œuvre dès maintenant, avant même que se produisent d'autres perturbations majeures de la vie moderne. Il est également important de le faire, précisément parce que nous ne savons pas si nos efforts seront couronnés de succès à grande échelle ou, même s'ils le sont, si ce succès permettra aux sociétés modernes d'atterrir plus en douceur, de moins nuire aux autres sociétés et d'offrir plus de chances à nos enfants et à la vie sur Terre. Nous sommes arrivés à une époque où nous devons dépasser ces idées fantaisistes. Nous agirons parce qu'il est censé de tenter l'expérience de vivre nos valeurs dans de nouveaux contextes, à la fois comme moyen et comme fin, et non seulement comme des moyens ou des fins.